lundi douteux. Chaque lundi, depuis 10 ans, au pub Brouhaha, 5860 avenue de Lorinier. Chaque semaine, un film louche, un humoriste de la relève, l'enregistrement en direct de 70% et un set de VJ invités. Les lundis douteux. Apporte ton sourire et tes cousines, puis dis-leur que c'est toi qui paies parce que c'est gratis. Ici Jean Perron, si vous voulez être informé au niveau du sport, écoutez 70% et vous allez tout savoir que... En tout cas... Alors, bienvenue à 70% ce soir, directement du pub Brouhaha. En manchette ce soir, nous avons Jean-Alexandre, Nicolas Barrette, Arnaud Audette, Coralie Lappe, Gaël Corbeau, Mathieu, Marie-Pierre Simard, Andy Jean comme chroniqueur. Comme artiste, nous avons Fanny Grégoire, Simon Cussonnet aux nouvelles. Comme band, nous avons le Crackberries. Et votre animateur, Tommy Dodd. J'en demandais pas autant. Moi, 70%, j'ai jamais eu autant. Dans le doute, on fête Noël en août. Je sais que c'est juillet. Parapapam-pam. Petit papa Noël. Mon beau sapin. Mesdames et messieurs, les Crackberries, incroyable, les gars, vous avez l'air en pleine forme. Ah, c'est pas pire, ouais, on a fait un, comme on avait dit la dernière fois, nous autres, on n'est pas de cette époque-là, là. On vient de 1984, puis on a passé une porte temporelle, v'là un bout. V'là un bout. Ouais, puis là, maintenant, on était tanné de jouer sur des instruments pour enfants, on s'est dit, on va retourner aller chercher nos vrais instruments, tu sais. Puis d'après moi, on l'a fucké de quoi dans il y a eu un paradoxe temporel. En tout cas, nous autres, on avait arrêté ça, le Noël du campeur. Ouais, c'est ça. D'après moi, on l'a fucké de quoi dans le temps, là. C'est revenu de même, là. Ben, allez donc chier. Est-ce que ça existait en 1984, le Noël du campeur? Ouais, mais ça avait été aboli. Ça avait été aboli. Ouais, ça a été aboli en 84, mais je pense qu'on l'a fucké de quoi pour de vrai, là. Sinon, ben, merci beaucoup d'être avec nous pour ce 70%. Mon nom est Tommy, je serai votre hôte pour cette aventure. Moi, Simon, j'ai eu quand même une grosse semaine. Je te dirais que de toute ma vie, c'est probablement, à part la fois que ma blonde m'a lâché en même temps que mon programme d'études puis ma job, je te dirais que ça, c'est probablement la plus grosse semaine qui m'est arrivée de toute ma vie. Lundi passé, on a eu un spécial pas de classe et j'ai eu à me justifier avec des gens. Je m'excuse d'avoir présenté des affaires pas de classe. Jean, c'est ça, des fois on en a, puis on les montre, puis on est dans une place 18 ans et plus, puis on fait ça à l'interne. Puis c'était quel genre de clip? La semaine passée? Ouais. Enfin, juste le clip qui a posé problème vite fait. Ah, oh, il y en avait beaucoup. C'était... OK. Le dessin animé que la jante interspatiale se fait violer par les hommes de roche. Il y a beaucoup, beaucoup de questions. Je ne sais pas pourquoi ça existe. Je ne sais pas c'est qui le public cible. Puis ça me fascine tout le temps. Le lendemain, on a eu, le mardi, on a eu la première mondiale de Punk Fu Zombie. Un film qui a été fait, oui, avec la participation de beaucoup de bénévoles de douteux.org. Et surtout, grâce aux efforts de Gabriel Spatulus, voyons, et son ami David Proux. Merci beaucoup à eux autres. Mercredi, c'est quoi j'ai eu? Je pense que j'ai eu le droit de faire des devoirs pour douteux.org. Là, le jeudi, il a fallu que j'aille jouer à Magic. Ça, presti, ça arrête pas. Et lundi, à matin, j'ai fait une deuxième chronique pour CIBL à la radio. Puis il paraît que c'était drôle. Puis je me rappelle que je me suis fait rire une fois. Ce qui est un très bon signe. Sinon, ben, bienvenue à 70%. Je pense qu'on va tout de suite se saucer dedans. Toi, Simon, t'es prêt? Ouais, moi, je suis prêt à fond. Hein. Ouais, c'est bon. Hey, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, on peut tout de suite et sans retenue applaudir notre invité de la soirée, un certain Louis-Philippe Gingras. Merci. Bonjour, merci. Joyeux Noël. Louis-Philippe de l'Abitibi, j'ai entendu dire. Tout à fait. Ben non, mais tu le sais, là, on se connaît, on s'est croisés, ça me donne. Arrête donc, on a joué au Magic en arrière. C'est la seule fois que j'ai joué au Magic de ma vie. C'est vrai, t'étais pas bon. Dans le parking du Bon. J'ai essayé, c'est parce que, tu sais, c'est comme pas clair, là, qu'est-ce qu'il faut échanger. Et puis sinon, toi, t'es plus qu'un musicien, t'es comme un homme. Je suis un homme. Même avant, je pense. J'ai-tu été musicien avant de devenir un homme? Je ne sais pas. Je pense que oui. Je jouais du piano quand j'étais petit, fait que je n'étais pas encore un homme. Et voilà. Voilà, tout s'explique. Et là, tu as découvert la guitare par la force des choses ou parce que c'est plus facile à traîner dans les parties pour impressionner les filles? Ouais, c'est vraiment pour le sexe. Ouais, à 13 ans, j'ai commencé à jouer la guitare. mais en fait, c'est un cassin qui traînait dans le fond d'un garde-robe chez ma mère, puis. Voilà, c'est devenu ma vie. C'est pas à peu près. Là. Je pense que t'es déjà allé faire des shows que t'avais besoin d'un passeport pour y aller. Ça m'est déjà arrivé. Ouais, hein? Mais comme pas rien d'exotique, là, genre juste la France, puis... les États-Unis? Non, j'ai jamais joué aux États-Unis. T'as jamais joué aux States? Pour ça, je me sens que t'es folk, toi? Je suis très folk, mais tu sais, je suis plus... je sais pas. Peut-être la Floride... Je m'attendrais vraiment beaucoup. Je ne sais pas s'il y a un Noël du campeur en Floride, c'est sûr. Je ne sais pas. Faudrait mener l'enquête. Okay. Mais ouais. LP dit que ça y tente si vous avez des plugs de Noël de campeur en Floride, je suis preneur. Et puis, au secondaire, est-ce que tu avais comme un bully, quelqu'un qui t'achalait? Oui, il s'appelait Mathieu Cloutier. Pour vrai? Mais c'était comme mon ami des fois, puis des fois, il devenait mon bully. C'est-tu celui qui est rendu le propriétaire de la ligne quasi à Rouen, ça? Je pense pas, ça se peut. Non. Ah, il s'appelle Mathieu Cloutier. Ouais, le demi-frère de Benjamin. Non, mais Mathieu, il était juste douche, là. OK. Puis on le savait pas encore parce que ça n'existait pas comme terme. C'était pas officiel. C'est ça. Lui, mais, il était douche avant que ça soit in. Ouais, c'est ça. Ah, c'est un dragon. Elle veut pas le dragon? Colin. L'Impère Noël a besoin d'attention. Salut Fanny, notre artiste qui vient de nous rejoindre. On va tantôt te parler au micro. Je te laisse t'installer. Tu es à l'aise et tout. Bravo. On est content de l'avoir avec nous. Bravo. C'est quand même le Noël du campeur. Et toi, Louis-Philippe, est-ce que pour toi, le Noël du campeur, sa magie, sa simplicité, son absence de mercantilisme, est-ce que pour toi, ça veut dire quelque chose? J'espère que oui. Ça veut dire tout, en fait, parce que j'adore le camping puis j'adore Noël. Mais j'ai jamais vécu de vrai Noël du campeur, sauf ce soir. C'est mon premier vrai. Mais l'année passée, on avait vraiment travaillé fort pour essayer de trouver le contact des bookers du camping Sainte-Madeleine. Okay. Pour essayer de booker une gig là. Mais c'est encore dans mes plans. Cette place-là, moi, ça me fait peur. Ça. On dirait que c'est comme, mettons, dans Metroid, là, dans le sens qu'il y a comme un core qu'il faut que tu passes des accès pour te rendre là. Ouais, c'est plus comme Star Fox, là. C'est comme le chemin rapide dans Star Fox. Vraiment. Mais ça, c'est comme faire le tour. Parce que c'est sûr qu'il y a comme un centre où le parking est plus le parking que n'importe où ailleurs. Ah ouais, si tu passes au travers du parking intact du camping Sainte-Madeleine, c'est ça. T'es un nouvel homme. Ben, j'ai appelé ça parking, mais je pensais camping. C'est une déformation professionnelle qui me vient de mon ancienne job. Sinon, ben, on parle du parc avec le monde de l'Abitibi. C'est quelque chose qui nous fascine beaucoup. Simon l'a traversé le parc. Oui, une couple de fois, parce que j'ai accompagné un de mes bons chums que je salue, Noé Talbot. On a fait une gang ensemble. Ah, ben, ça m'étonne pas. Simon, il est peut-être plus hipster que toi. C'est bien, selon le t-shirt, mais là, je sais pas, moi j'ai un humeur design de camping. Oh, humeur design, c'est hein, tu peux pas tester. C'est plutôt hipster, là. Ouais, humeur, c'est comme proto-hipster. Mais en dehors de la bataille de hipster, j'ai fait deux fois le parc ouais, pour faire une gig à Rouen, puis une autre tournée en Abitibi. Malartic, Rouen, Val d'Or, Rouen, puis Val d'Or, ça a été le hype, ouais, comme quoi je ne dis pas que des conneries. Mais Val d'Or, ça a été le must. Val d'Or, un samedi soir, c'était. Ça revole. Ah, c'était incroyable. J'ai vu mon premier nazi de toute ma vie là-bas. Ah ouais? Ouais. Et j'ai déjà fait des concerts en Allemagne, dans des squats et tout. Tu sais, des fois, ça chie là-bas, les antifascistes et les fascistes. C'est quand même une grosse lutte là-bas. Ça. Mais à Val d'Or, genre, je l'ai vu de mes yeux vus, quoi. Il est rentré et j'ai failli aller aux danseuses avec lui, genre. Wow. Ah, mais c'est peut-être le même gars. Est-ce qu'il venait de Val d'Or? Bah oui, il avait l'air de. Ouais, il avait la gueule. Un gars à Rouen, ça a fait les manchettes il y a comme 2 ans. Il y avait un drapeau nazi dans sa fenêtre. Ouais, c'est toute une maison qui nous faisait peur quand on passait par là. Là, c'est un Pender à Rouen. Ils ont comme des chiens qui n'ont pas l'air propre. C'est la maison hantée des nazis de Val d'Or. C'est une belle attraction, je pense, parce qu'il y a beaucoup de bars de danseuses là-bas, j'ai cru comprendre. Il y en a plus. La transition s'est faite, en fait. Ah ouais, c'est fini ça? Ouais, il n'y en a plus à Val d'Or. Le Red Light, le dernier. Ouais, il reste le Red Light. Non, le Red Light est loin de quand il est mort. Il n'y a plus de Red Light. Il n'y a plus de Red Light. Il n'y a plus de Red Light. Val d'Or. Genre, quand tu traverses le parc, puis là tu files, t'as besoin d'aller au tâton, faut que t'attendes jusqu'à Rouen. Jusqu'à Rouen, jusqu'au 69. Donc t'es en train de me dire que Val d'Or avant il y avait des nazis et des bars de danseuses, maintenant il n'y a plus que des nazis. C'est ça. Bon, les bars de danseuses. Ont... Ben, c'est des bars de danseuses, mais c'est des nazis qui dansent. Ok. Les hommes, j'aime bien ça. Voilà. Ah, c'est petit dragon, ben oui. Hey, allô! Louis-Philippe, souvent on demande, ben en fait, le plus souvent possible, on demande à nos invités de nous faire un indicatif. Hein? Fait que là, mettons, tu dis Louis-Philippe Gingras et 70% dans ta phrase, puis tu peux meubler ça comme tu veux. Là? Ouais, live. Je m'appelle Louis-Philippe Gingras, j'ai une moyenne de 70% dans mon cours de bio. Ça fait longtemps que t'es plus à l'école. Ben non, je suis encore en secondaire 2. Non, merci beaucoup, Louis-Philippe Gingras, mesdames, messieurs. Hey. On te garde avec nous tout le long de l'émission. C'est la magie de Noël. Peut-être que tu aurais un message d'amour de Noël envoyé à tes fans en commençant. Man, Noël, c'est la vie. Là. Noël, c'est les cadeaux. Noël, c'est les chapeaux. Noël, c'est les sapins. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Oh yes! Hey, let's go les Crackberries! On s'en va à 70%. Le butin de Simon Cussonnet. Le butin de Simon Cussonnet. Le butin de Simon Cussonnet. Le butin de Simon Cussonnet. Oh boum, hein? Ouais. Hey, merci, c'est cool. Bravo les boys. J'ai comme l'impression que les cons cette semaine n'étaient pas au courant du Noël du campeur, donc j'ai très peu de news de Noël, mais on va faire un premier bloc fromage, saucisson, bière, rat et vegan. Donc pour commencer, en mars dernier, le maire de Mont-de-Marsan, une coquette ville du sud-ouest de la France, avait promis qu'il mangerait un rat en cas de qualification de l'équipe de soccer de Barcelone face à celle de Paris en Ligue des Champions. Il a finalement dégusté un ragondin à l'occasion des fêtes de la Madeleine. Nos confrères du Sud-Ouest ont assisté à cette scène. Et oui, le copier-coller a mal marché. C'est succulent, ça ressemble à du lièvre, a précisé le maire de Mont-de-Marsan qui reconnaît qu'il n'a pas entièrement tenu son pari parce qu'il a pris en effet un ragondin plutôt qu'un rat. Et ce n'est pas exactement ce qu'il avait promis. Mais par contre, ce qu'il a promis, c'est qu'il ne ferait plus du tout jamais de paris sur du soccer. Bah oui, parce que le soccer, c'est un sport de merde. Continuons tout de suite. Je veux dire, fais pas de paris. C'est des affaires que tu n'as pas de contrôle, me semble. C'est ça. À chacun ses problèmes de jeu. C'est pas le but du pari. Ouais, peut-être. Ouais. Ouais, bon, en tout cas, dans un peu plus fromager, plusieurs employés d'une entreprise de fromagerie ont été très brûlés par de la concoyotte jeudi matin à Pontarlier dans le Doubs. La concoyotte est un fromage à pâte fondue obtenu en faisant fondre du méton, de l'eau et du beurre. L'accident se serait produit au niveau d'un tube contenant le mélange chauffé à plus de 80 degrés. Au moins 4 employés de la fromagerie Bados de Pontarlier ont été brûlés par des projections de fromage jeudi matin, rapporte l'Est Républicain. 4 femmes employées de l'usine auraient eu des projections sur différentes parties du corps, dont le visage. 1. D'après l'Est Républicain, les pompiers et la police se sont rapidement rendus sur les lieux, mais ça, on s'en fout. Voilà. Le mal était déjà fait, le fromage avait décidé d'envahir. Et puis ces connards de Français ont une meilleure couverture de santé que nous. Voilà. Moi, j'ai arrêté d'écouter la projection de fromage. Oui, c'est vrai que l'image est belle. Pense-tu que c'est comme sorti en spray ou un gros jet? Je pense que ça fait genre... Il y avait une cuve de tout leur mélange à la con, ils ont mis la chaleur. Il devait y avoir quelques grumeaux. Tu vois, le monde, il était tellement hypnotisé, il regardait le fromage, puis finalement, ça a été leur perte. Ça me rappelle à la fin d'Indiana Jones, ça. Lequel? Ferme tes yeux! Ah oui! Pas qu'il regarde le fromage. Indiana Jones, c'est le dernier fromage. Bah oui, voilà, c'est ça, le fromage. Allez, il fallait. Let's go next. J'ai le droit de rigoler aussi, merde. En Bulgarie, un député bulgare du Parti conservateur au pouvoir sera jugé pour avoir extorqué à un commerçant 4 tonnes de saucissons prétendument destinées au Premier ministre. A annoncé le procureur général de demander si... Ah oui, le producteur général a demandé la levée de l'immunité parlementaire au député Jivkov Martinov, 51 ans, qui a immédiatement renoncé à être jugé. Aussi ridicule que ça puisse paraître, 4000 kilos de soujouk, donc une saucisse épicée bulgare, d'une valeur de 45 000 leva, donc à peu près 33 680 piastres, lui ont été remis gratuitement depuis 2012 à 4 reprises, tonne après tonne. Le saucisson était préparé d'après une recette spéciale à base de viande de cerf. Et oui, on ne se refuse rien, salaud de politique, car il était prétendument destiné au Premier ministre en personne, a déclaré le magistrat. L'enquête a prouvé que pas une seule pièce de soujouk n'est parvenue au Premier ministre. Boyko Borisov a-t-il tenu à préciser. Le député avait demandé aux commerçants de soutenir de cette façon les activités politiques du parti gerbe au pouvoir, sous peine de voir son activité péricliter, a précisé le procureur. Et on reste dans la viande, puisque une confrontation assez loufoque a eu lieu à Namur, en Belgique. Une violente altercation a opposé un groupe de visiteurs de la fête foraine de Namur et un groupe de forains le week-end passé. Marie, une jeune femme âgée de 20 ans, figurait parmi le groupe de visiteurs. On était à 5 à la foire de Namur, dit-elle. On se baladait, on est passé devant un manège avec des poneys et l'un d'entre nous a interpellé le forain pour lui dire « Hé, vous n'avez pas honte de faire tourner ces chevaux en rond à longueur de journée ?» Le forain l'a très mal pris et deux personnes se sont mises à courir après son ami. Il y a eu séparation, coup fourré, etc. Ils se sont révélés que les personnes qui se sont plaints étaient vegan. Et au total, une quinzaine de personnes auraient été impliquées dans la bagarre. Donc, forain contre vegan, un mélange qui ne s'invente pas. Ça, c'est commencé que le forain en chef, il a dit « Allez-y ». Puis là, il y a comme deux Gilles qui sont sortis. Et tout le monde sait qu'on ne fait pas chier les forains. Ben, tout le monde, c'est ça. C'est... Et ni les véganes non plus, comme on me souffle. Et puis, ben, mais il y en a un qui a des plus gros bras que l'autre, comme on dit. Hein, et voilà, bouffer du tofu, c'est sympa, mais bon. les forains responsables de manèges japonais sont régulièrement... sont régulièrement la cible de remarques et d'insultes de la part des défenseurs du bien-être animal qui leur reprochent de ne pas bien prendre soin de leurs animaux et ne pas respecter leur bien-être. Les forains de Namur ont porté plainte à la police contre les 5 vegans. Patrick Decorte, le forain en question, explique « On rencontre souvent des gens vraiment agressifs. Jusqu'à preuve du contraire, les manèges avec des poneys ne sont pas hors la loi. Mes collègues sont tristes, démoralisés, énervés que chaque année on leur pose les mêmes questions et on leur fait les mêmes remarques. C'est de l'acharnement. Ce sont des extrémistes. Je ne comprends pas. Mes collègues ont une passion, ils adorent les animaux et ils se font agresser tout le temps. Je comprends que mes collègues puissent péter un câble, c'est normal quand même. Je suis moi-même triste, énervé. C'est injuste. En plus, on raconte n'importe quoi sur les réseaux sociaux. » Je sais pas d'où ça sortait, ça, mais... Il a été touché par un ange pour la dernière phrase. Don't fuck around the foreign. Et voilà, bah, c'est tout pour ce moment. Je merci beaucoup, Simon Pissonnet, mesdames, messieurs. On peut l'applaudir, yeah, s'il vous plaît. Il va revenir au fil de l'émission. C'est le lot du lecteur de nouvelles de... commencer et finir ça. À date, ça va comment, Monsieur Gingras? Ça va bien, je suis hydraté, c'est Noël. Est-ce que Valérie est là? J'aimerais avoir une pinte de dernière mission, mesdames, messieurs. Et là-dessus, s'il vous plaît, les Crackberries. Hey, joyeux Noël du campeur, tout le monde! Hey, moi c'est Jean-Alexandre Nicolas Barrette, humoriste de la relève.com, évidemment. Comment ça va, Thomas? Ah, ben moi ça va très bien, non composé. Voilà! Hey, comme vous le savez, moi j'aime ça faire des blagues. Ben c'est ça, moi j'ai commencé à faire des blagues au camping à Amqui en 1997. Puis tu sauras pas quoi, Thomas? Non. C'est un beau camping. Mais c'était le Noël des campeurs! Oh! Oh! C'est pas des jokes, là! Ça, c'est pas des jokes, par contre, mais... Fait que là, moi, j'ai commencé à faire des jokes dans un petit concours de blagues au camping, pis c'est moi qui ai gagné. Pis j'ai eu la piqûre. Fait que pour moi, le Noël des campeurs, c'est important, pis j'ai eu comme cadeau les histoires drôles de Claude Blanchard, un livre de blagues formidable. Oh, shit. C'est ça qui m'a... Qui m'a initié, en fait, c'est mon idole. Claude Blanchard, c'est ton idole. Ben ouais, c'est mon idole, c'est un grand homme d'humour. Quand je fais mes spectacles d'humour, je finis toujours avec une blague de Claude Blanchard tirée au hasard, comme par exemple... Un couple va chez le curé pour se marier. Voulez-vous un grand mariage ou un petit? On va commencer par se marier, le petit, ça sera par la suite. C'est excellent! C'est excellent! Moi, quand j'ai fait mon spectacle, mon père a sa caméra VHS, puis il a tout enregistré ça. Tout mon spectacle par-dessus les mémoires de Pierre-Elliott Trudeau. Fait qu'il nous reste genre le milieu, genre la naissance de Justin Trudeau, puis c'est pas mal tout ce qui nous reste. Fait que c'est ça, c'est mes souvenirs. Fait que j'ai décidé pour vous de refaire mon spectacle de 1997 et reprendre mes blagues, qui sont des blagues de Noël en partie. Alors, je vais tout vous... Je vais commencer par ça, ma liste de blagues. Chris, il y a des abus ici, là! Non, c'est l'Impère Noël est en train de donner les cadeaux du Noël du campeur. Fait qu'on gagne du temps, tu sais, tout se fait correct, d'un coup. C'est correct. Fait que je vais y aller avec mes blagues. Je vous avertis, ça se peut que ça soit moins bon. C'est normal, je commençais. Comment avez-vous passé Noël du campeur? Comme un cadeau. C'est-à-dire, j'ai passé toute la soirée couché sous le sapin. T'en as combien, des comme ça? Ah! Un gars écrit à la fille qu'il aime. Le matin, je mange pas car je pense à toi. Le midi, je ne mange pas car je pense à toi. Le soir, je ne mange pas car je pense à toi. Et la nuit, je dors pas car j'ai faim. Oh, Sega Genesis! On a un cadeau pour le chroniqueur. C'est donc bien cool. Wow. Va t'asseoir sur le Père Noël un petit peu. Tu vas pas m'enculer, là? Ah, ouais. C'est de mieux en mieux, 70%. Toutes ces nuances. Ça faisait longtemps que je l'avais pas écouté. Un petit message pour de la part du Père Noël, peut-être? Ses fesses sont pas assez rembourrées. Je me sens vraiment pas réconforté, mais c'est pas grave. C'est... Ben, c'est normal, c'est un humoriste de la relève, ça mange pas beaucoup, ça. Voilà, hey, wow! Wow! Hey, je vais continuer mes blagues. Ça s'oriente un peu... Un excellent album, d'ailleurs, des reprises au grand piano de certaines tunes de Genesis, des belles années. Ouais, genre la tune Green Hill Zone de Sonic? Non. Mais c'est Genesis, en tout cas. Non, l'autre Genesis. L'autre, OK. OK, attention, elle est bonne. C'est Noël car il neige dans ma tête. Chris doit faire frette! Comment appelle-t-on un chat tombé dans un pot de peinture le jour du Noël de campeur? Un chat peint de Noël du campeur! Get it! Hey, tu sais, quand on dit époux de feu, madame morte, là, ça veut-tu dire qu'elle s'est faite incinérer? Ça, c'est parce que ma grand-mère venait de mourir, mais ça a pas trop passé dans le temps, là. Sacrement, ça lève des affaires! Alright. Bitch, tu t'assois! Ok, je m'assis. M'assis ma oui. M'assis ma you. C'est une joke. Get it? Non, je commence à aimer ça. Là, ça me rassure, parce que si même les Québécois n'ont pas compris la référence, c'est bon, je suis... Pour terminer, Siméon, j'ai une anecdote. Michael G. Fox veut faire des achats dans la petite annonce. Il appelle le vendeur. Oui, bonjour. Salut. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai vu l'annonce dans le jour nanana nanana nanal. Comment? Nanana nanana nanana nanal. Hein? Anal nal nal nanana nanal. Hey le con, apprends à parler à la place de faire des coups de téléphone. Arrête de perdre ton temps. Si tu pourrais voyager dans le temps, tu devrais le faire et t'empêcher de m'appeler. Ça, dans le fond, c'est parce que Michael G. Fox a fait retour vers le futur, le voyage dans le temps, évidemment. Puis il y a le Parkinson, la peur de parquer son char dans un parking. Get it? Même en expliquant la blague, c'était mauvais, c'est fou, j'aime ça, moi. C'est débile, hein? C'est comme de Parkinson. Nouveau sens. Elle est bonne, Parkinson. Attention! C'est vraiment beaucoup d'humour, en tout cas, pour une seule phrase. Ah oui! Pour acheter des billets, www.jean-alexandre-nicolas-barrette-humoriste-de-la-relève.com. Vous pouvez venir me voir en spectacle ce dimanche sur le Saint-Laurent. Sur le bord Saint-Laurent. Sur ce... Si j'avais un petit peu de change, ça m'aiderait. Mets ton micro, là, va t'asseoir. Mets-moi deux billets de côté, ça m'intéresse. Ouais, merci beaucoup! Alright! Wouah! Wouah! De toute beauté. Merci beaucoup, les Crackberries. Ils sont ouais, incroyables. Écoute, tant qu'à faire n'importe quoi. On va laisser un autre chroniqueur de temps, mais je pense qu'on va aller voir notre artiste visuel après pogner un feedback. Elle a l'air heureuse. Elle fait signe qu'elle a des sourires. Sinon, ben, je pense que toi, ça va, Louis-Philippe? T'es pas trop stressé? Relativement. Je te sens un petit peu silencieux. Est-ce que t'as déjà joué à Ouija? Non, mais j'étais à l'écoute. Non, mais j'apprécie des nouveaux styles d'humour. As-tu déjà joué à Ouija? Oui, j'ai-tu déjà joué à Ouija? Oui, pourquoi? Ça a-tu marché par applaudissement? Non, il y en a-tu ici marché. Qui ont joué à Ouija et ça a marché? Ça a marché, ah ouais. C'est ça. Bon, moi, je le dis souvent, pour que ça marche à Ouija, il faut que le plus possible... soit une fille de 12 ans. Idéalement. À partir de là, ben, on peut travailler avec ce qu'il y a. T'sais. Moi, j'aime beaucoup les gens qui viennent de syntoniser 70%.com puis qui viennent pogner. Pour que ça marche, il faut qu'elle ait 12 ans. C'est ça, faut que ce soit une fille ça, de 12 ans. Ouais. Sinon, ben, let's go les Crackberries, on va au prochain. Il fait de l'or commentaire. Arnaud Odette. Il fait de l'or commentaire. Ouais, là, tu peux y aller. C'était bien hot, ça. Merci. Ils sont wow. incroyables. Ah, c'est une calice. Let's go, Arnaud. Salut. C'est moi, le Dominique Arpin des pauvres, encore plus pauvres. C'est vrai. L'explorateur du web. Le racleur du web. Ben là. Oui. Let's go. Puis comme au dernier temps des fêtes, celui qui est le chrétien, là, je vous ai parlé un petit peu de Richard, Rock'n'Roll oui. et de Michel Odriscoll. Oui, c'est vrai. Ben, le temps des fêtes, le temps de Noël, c'est le temps de prendre des nouvelles de la famille. J'adore ça. Et des proches. Hey, je pense que c'est la première fois ever qu'on fait ça. Revenez hein? sur une émission qu'on a faite pour en reparler, genre. Là. En tout cas, let's go. On a des nouvelles de Richard Loll. On a des nouvelles de Michel Odriscoll qui avait pris comme résolution oui. en 2007 de toujours mettre le Loll à ses posts. Oui, c'est vrai, on se souviendra de ça. Donc, je suis allé voir le profil de Michel. Et puis, ça se passe. Donc, on commence avec le 9 juillet. Avec une belle photo d'une petite madame, là, pas tout le monde peut voir. Internet, il est où? Y a-t-il encore Internet? Comme ils disent, s'il n'y a pas cochonne, c'est beaucoup de gaspille. Hein? Bon, ben une belle petite madame. Oh! Une belle petite madame en petite nuisette, ambiance. Là. Puis Michel nous dit, « Je brosserais bien les dents avec ma belle brosse, ma belle grosse brosse. Le lol, MDR. » On continue avec le lendemain, le 10 juillet. Il nous poste un lien vers onedate.com. Nouvelle amitié, rencontre extraordinaire. Tout ce que vous cherchez à un clic de vous. Je pense qu'il va sur des sites et ça fait des autoposts. Mais il se cherche. Ah. Il est célibataire, il est à la recherche. Oui, oui, je comprends. Donc, oui. Ouais, ouais, tu penses que c'est un message qui a filtré. Là, oui, ouais, oui. Ouais, ouais. On continue maintenant avec une belle photo d'une bouche aux lèvres vertes fluo. Tu vois qu'il y a Google, hein? Oh, oui. Et là, il commente, « Me semble de l'avoir à haute vitesse à me piper. Le lol. Piper. Piper. Hey, par applaudissement, est-ce que quelqu'un a déjà utilisé le verbe piper? Je me suis fait... Oh, hey, yeah! je me suis fait piper. C'est vrai, hein? Pareil, ça... Bravo, piper. Ben, ouais. On peut utiliser le verbe piper. On peut utiliser le verbe piper dans « Je ne pipe mot », mais c'est le mec qui s'est complètement chié, bravo. Non, là ça implique un gland, là. Oh, ouais, non, ouais. C'est... Ben, merci, j'avais compris. Ah, ouais, tu sais, des lèvres vertes, ça reste... Piper, Le lol. Suivi de plusieurs bisous. Parce qu'il finit toujours avec des bisous. C'est vrai. Donc, on continue avec le 17 juillet. Un lien vers onedate.com. Nouvelles amitiés, rencontres extraordinaires. Tout ce que vous cherchez à un clic de vous. Donc, ça veut dire qu'il est retourné chercher des amis. Come on, Michel. On continue maintenant avec une photo qui dit de ses cuisses. Je te pose. Est-ce que vous voyez bien des belles cuisses? Est-ce que c'est des saucisses? Donc on peut bien voir ses cuisses. La pièce à conviction. Un beau petit paquet noir juste devant. Full relax, le lol. Pareil, belle cuisse, le lol, le lol. Mais attends, excuse-moi, comment t'écris le lol? L-E-L-O-L-L-L-L. Ok, d'accord, okay. J'étais pas sûr. Ouais. Le lol. Oui. La quantité de L à la fin peut varier, sûrement. Oui. On continue maintenant, le 21 juillet, le fatidique 21 juillet. Donc, il écrit « Le suicide est un choix comme toutes les autres. » faut respecter ça, le lol, le lol. Et il nous poste un lien du Journal de Montréal. Chester Bennington, le chanteur de Linkin Park, s'est suicidé. Le lol. Oh. Le lol. Le lol. Le lol en tabarnak. Il a perdu le lol contrôle, mais... le lol. On continue maintenant, avec le... toujours le 21 juillet. J'ai plusieurs demandes d'amitié féminine. Des faces blanches ou cachées par quelque chose, je supprime et signale indésirable, c'est tout. Le lol, le lol. Signale indésirable. Quel dis. On peut le rappeler, c'est Michel Odriscoll. Vous pouvez aller le suivre et vous tenir au courant du gratuitement lol. Gratuitement raciste ben sur vos internets. Donc. du racisme gratuit, ça reste gratuit. Le lol. Ouais, le lol, le lol. On va commencer à aller plus vite, là, parce que là, je suis même pas rendu au... Let's go, accélère, accélère. OK, Michel, le dernier de Michel. J'ai des milliers de demandes sur Zoosk. À cette heure, il est sur Zoosk. Mais elles ont pas l'air à comprendre. Des surplus de poids, je suis plus capable, calice. Le lol, le lol, le lol. Si! Donc, c'était les Michel de, les nouvelles de Michel. Il est toujours célibataire. Puis, Le lol. Donc, on continue avec Richard Côté. Maintenant, Richard Côté qui écrit toujours en caps lock. Richard Rock'n'Lol Côté. Checkez ça. Rock'n'Lol. Donc, on commence. Le petit Chris de Restant Face qui va chanter au Rockfest, c'est vrai. Par respect, là, j'espère qu'il va faire chouer par la foule. Tu es un chou, chou, généralisé par la foule. Non, on dit pas c'est qui. Ensuite. 18 juin, je suis végétalien. Je mange de la protéine. On continue avec Rock'n'Lol. Rock'n'Lol. Alright. Donc, on continue avec le 25 juin. Hier soir, je me suis dit, mon Paul, à soir, tu bois pas un hostie. Tu bois pas. Un hostie chant, je m'appelle pas Paul. Oh! C'est là que je l'ai. Bien écrite. Attention, le 25 juin. Il a besoin d'amis, ce gars-là. Moi, je suis son ami. Maman! Maman! Je pense que mon pénis s'est mouché dans mes bobettes. Sérieux! C'est le gag. C'est tout? 7 juillet. L'eau serait pas bonne pour la santé d'après Santé Canada. Ils disent qu'un cognac sur glace est pas bon pour la santé. Qu'une Volca de on the rocks, c'est pas bon. Qu'un rhum avec d'Algulsk, c'est pas bon. Hostie, bois plus ça de l'eau! C'est le gag. Ensuite, j'ai tenté de me réconcilier avec l'autocorrecteur. Ben calvaire! L'hostie a encore tenté de me passer des accents circonflexes, tabarnak, hey, chose! Un CCD avec ça! Ben, je l'ai éclairé, c'ti! Et ça paraît en tabarnak à chaque fois qu'il écrit. Il a éclairé son autocorrect! Ouais. Il puis il en a fait un statut! Oui. The fuck! Ah man. Non, mais Chris, quand il s'en passe des choses dans ta vie. Ah, c'est un event Facebook, ça, je pense. Ben tu oui. peux, t'as la fonction event de vie, là, qui sont ouais. des affaires bien importantes. Là. Et puis là, on a les pauses de 2h, 3h du matin quand il devient vraiment fucking chaud. Je suis une licorne, hostie! J'ai-tu honte qu'on lisse de me réveiller, hostie drive de merde! Donc, il est somnambule. C'est un appel à l'aide, ça! Voyons! Ouais. On continue la même journée à 2h58 du matin. Soit t'as un hostie de beau sourire ou t'as l'air cochonne, c'est pour ça la demande d'amis. Ça, c'est à quelle heure? Ça, c'est à 3h. C'est à 3h14. Je pense qu'il vient bords. Vraiment de burner son plan d'infiltration, ouais. Lui. Hein? Ouais. Il voulait subtilement... Et ouais. Une heure plus tard, la même nuit, on termine avec « Manger des toasts dans le lit me rappelle que je suis pas fait pour d'être gay, tabarnak, que j'aille ça dormir avec des graines dans mon lit! » Il est célibataire, mesdames et messieurs, lui aussi. Disponible. Richard Rock'n'Loll et Michel Odriscoll. Et voilà. Merci beaucoup, merci. Arnaud Audette, mesdames, messieurs. Le ratleur du web, ça va prendre quelque chose. Là-dessus, on va aller parler un petit peu avec notre Père Noël. Comment ça se passe de votre bord? Ben là, je suis en train de donner GoldenEye à cette charmante demoiselle. Qui est ma blonde? Catherine. Salut Catherine. C'est ma blonde? Ouais, ouais. Yeah, on a gagné un film. Est-ce que tu viens de crier shotgun devant tout le monde? Genre? Ouais, shotgun. Ça a mis l'ambiance tout de suite. Baby, est-ce que tu as déjà vu GoldenEye? Très souvent. Oui, vraiment beaucoup, mais on n'a pas de VHS, faut qu'on s'achète. On va se trouver un VHS. Est-ce que vous faites tirer des VHS? La magie de Noël fait qu'ils ont le matériel, mais rien pour l'écouter. Alors, Douteux donne des cassettes, mais ça vous est jamais venu à l'idée de fournir des VHS? Ouais, des lecteurs VHS? Des fois, on en donne. Ouais, ce serait cool, ça. Ben oui, on est smart. Ben ouais. Ben oui, écoute, on est là. Ben oui, c'est vrai qu'on est smart. Et là-dessus, ouais. On va aller parler à notre artiste de la soirée, s'il vous plaît. Fanny Grégoire, mesdames, messieurs, on peut l'applaudir. Allô? Fanny, t'es en train de nous fabriquer quelque chose? Ouais, ouais, je suis en train de faire un petit dessin pour vous autres, messieurs et mesdames aussi. Hein, Est-ce qu'il y a du Noël dans ton dessin? Ben, j'ai comme pas eu le choix de me laisser inspirer par l'ambiance ici. C'était pas du... Oh, je suis-tu dans le feedback? Oui. Donc, ouais, il y a un petit peu de Noël, malheureusement, ou heureusement, je sais pas. Est-ce que c'est ton premier Noël du campeur? Est-ce que c'est quelque chose que tu fêtes dans ta famille, le Noël du campeur? Je crois que c'est mon premier Noël du campeur. Oui, en effet, je suis bien chanceuse d'être ici parmi vous. Ça, c'est vrai. On peut l'applaudir encore. Sinon, Fanny Grégoire, est-ce qu'on peut te rejoindre sur le net si tu fais des dessins? Suive le Grégoireverse. Ouais, vous pouvez m'ajouter sur Facebook. J'ajoute tout le monde. Et puis, tu fais des dessins pour n'importe qui. La preuve, t'es ici ce soir. Invente-moi, avant qu'on retourne dans l'émission, j'aimerais que tu m'inventes un beau souvenir de Noël du campeur que t'as eu. Je vais sortir ma crête. Il a dit inventer, je pense. J'en ai tellement pas. C'est vraiment... Hey, y a tout le monde qui me regarde en plus. Là, je commence à figer. OK, bon, ben on va te laisser continuer avec tes œuvres. Oui, je suis plus à l'aise avec tu vas nous en faire un, enfin, un beau souvenir de Noël du campeur avec ce qui te rend une artiste. Oui. OK. Oui. Merci, Fanny Grégoire, mesdames, messieurs. C'est vraiment une très bonne question que je vais reposer dans le futur. Les Crackberries, amenez-nous au prochain. 2, 3, 4. La paix, une humoriste hors pair. Coralie Laperrière, une écrivaine à son affaire. Coralie Laperrière. Coralie Laperrière. Coralie Laperrière. C'est inspiration Nicolas Sirkis de toute beauté. C'est incroyable, c'est mon plus beau cadeau de Noël, du campeur de Noël. Toi, est-ce que t'as des souvenirs de Noël du campeur? Que tu peux inventer sur le tas de même, vite. J'aime mieux pas en parler. OK, c'est bon. Ouais, ça implique ton père puis une ceinture. C'est ça. Écoute, salut Tommy. Salut Coralie. Ou devrais-je dire ho ho ho? Ho ho ho! Non, j'aurais pas dit. Écoute, ben bon Noël du campeur, comme tu vois, j'ai mis mon plus beau kit du Noël du campeur, c'est-à-dire celui d'un campeur qui se réveille en faisant « Oh fuck, c'est Noël du campeur ». C'est vrai que ça doit être assez commun. Ouais, c'est à peu près, je pense, le plus commun de ce qui arrive au Noël du campeur. Ça doit être un petit peu l'équivalent du déguisement de gars qui savait pas que c'était l'Halloween en soir, fait que c'est bien normal. Ouais, puis qui... Puis là, tout le monde fait « Ben, pourquoi t'es pas déguisé? » Puis c'est ça. Ben, ils trouvent une excuse. J'ai pas de sac à vidange chez nous, là. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Mais, puis tu sais, tu crois... j'ai remarqué que le Noël du campeur est une fête méconnue, Tommy. C'est à peu près aussi méconnu que... Ben, moins méconnu que le mercredi des cendres, hein, puisqu'on va se dire « C'est quoi ça, calice? » Entre deux Jésus, j'ai choisi le mien, moi. Ouais, ben c'est ça, tu sais. Hey, il y a un spectacle devant, les amis. Oh yeah! Merci. tu fais bien de le rappeler. Là. Ouais, bah, on va déballer les cadeaux tantôt. Tantôt les cadeaux. Après le Père Noël va être passé. Bref, j'ai réalisé que la seule différence de ce que je savais, les certitudes que j'avais par rapport au Noël du campeur, c'est seulement que la seule différence entre l'autre Noël et celui-ci, c'est que les bûches du Noël du campeur brûlent mieux. ça doit se vérifier. Ça. C'est ça, tu sais, mais sinon, les informations sur le Noël du campeur sont difficiles à obtenir. Il n'y a même pas de page Wikipédia, Tommy. Sur le Noël du campeur? Il n'y a même pas de page Wikipédia sur le Noël du campeur. C'est comme si on essayait de nous cacher Étienne, quelque chose. Étienne Forêt, il est là. Étienne, je pense que c'est une mission pour c'est toi. C'est une mission. Mais moi, je pense que c'est comme si on essayait de nous cacher quelque chose. Puis je me suis marqué ici, insérer la chanson de X-Files. Fait que j'ai fait mes recherches, Tommy. Et j'ai réalisé que le Noël du campeur porterait ses origines dans la fête de Noël, étrangement. Et qui dit Noël dit cadeau. Les cadeaux, c'est de la surconsommation. La surconsommation mène au réchauffement climatique. Avec le réchauffement climatique, il n'y a plus de neige. Tu vois où je veux en venir, hein? Plus d'été. Ben, le Noël du campeur, c'est une campagne de relations publiques de Noël pour nous faire accepter le futur climat du futur Noël. Calme-toi. Oh! Merci. T'es allé au fond des choses. Je suis allée, là, écoute, tu sais, là, je donne mon 170%. Calme-toi. Bon, ok, je me calme. On a l'air fou quand tu fais ça. Ouais, je sais. Mais tu sais, pense-y, Tommy, si la magie de Noël réside seulement dans les paysages d'hiver, ben c'est fini, Noël, dans 50 ans, tu sais. Je veux dire, avec les réchauffements climatiques, il n'y a plus personne qui va vouloir suer dans le seau du Père Noël. Puis ça va être pas mal moins cute quand les enfants vont faire des bonhommes de neige en gadou. Effectivement. Ça tient moins bien, tu sais. Tu sais qu'en Australie, le Père Noël, il arrive en surf. C'est la tradition là-bas. Ben, et il dit « ah, ah, ah ». Parce que ho ho ho, ça veut dire put put put, genre. C'est vrai? C'est même pas des jokes que je dis là. C'est capoté. Mais ha ha ha, c'est comme un peu machiavélique, genre. C'est vrai. Ha ha ha! J'arrive dans vos maisons sans permission! Que... Moi, je trouve ça bizarre. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pour ça que les inventeurs. Bref, on revient au Noël du campeur. C'est pour ça qu'on. Ils ont inventé le Noël du campeur, c'est pour qu'on accepte les Noëls chauds. T'sais, comme ça, les enfants vont pouvoir s'habituer peu à peu à voir le Père Noël en gogoune arriver en quatre roues. Moi, c'est ça que je propose ici. C'est une première étape, tu sais. Aussi, c'est fini le Noël avec les robes en manches longues, en velours, col roulé. Hein. On va y aller avec un petit dénudé d'été. Hein. Les filles vont être en slutty Christmas. J'imagine. Les fêtes vont s'adapter, tu sais, mais... C'est fini le plaisir de Noël de se bourrer d'un quiche jusqu'à ce qu'on se ressemble à une quiche. Ouais, ouais, je comprends. C'est fini. On peut pas se permettre un Christmas tummy puis un bitch body, tu sais. Il y a un conflit entre les deux. Ouais, faut faire le choix, tu sais. Mais le Noël du campeur, c'est le moment d'essayer les nouvelles traditions à implanter dans les futurs Noëls chauds, moi, je pense. Par exemple, moi, je propose la fée des moustiques. Oh, on brainstorm, là. Ah, je l'ai déjà. Mais ouais, ça peut se carrer, ça. Ça peut se carrer. Tu sais, la fée des étoiles, on n'en verra plus, tu sais, dans le ciel. La fée des moustiques. Chris, il y a bien quelque chose que tu vois. En tout cas. Ah, oh, non, je te suis. J'aime beaucoup ça. T'as pensé à tout. J'ai pensé à tout. Puis c'est sûr qu'il va falloir trouver autre chose à dire aux enfants sur l'histoire du Père Noël, hein. Parce qu'on pourra plus dire qu'il vient du pôle Nord. Ça va avoir fondu, tu sais. On pourrait toujours raconter que c'est une version sous-marine, tu sais. Genre Atlantis. C'est Aquaman. Avec des lutins sirènes. qui construisent des affaires. En tout cas. Puis il y aurait des nouvelles chansons comme Vive le vent, vive le vent, vive le ventilateur. Qui s'en va, soufflant, soufflant, c'est qui fait chaud. Ho! C'est ha! Char. C'est ha, mais sinon, il y a Petit Papa Noël. Quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, n'oublie pas ta crème solaire. Dehors, fais chaud en tabarnak. C'est un peu à cause de moi. Oh. Ah, vous avez vu ce que... Mais bon, certains vont me trouver un peu déprimante là, avec mes histoires de réchauffement climatique puis de Noël plus blanc pantoute. Mais quand on y pense, c'est un retour aux sources. Parce que Noël, c'est la fête du petit Jésus. Puis il n'y a rien de mieux pour s'en rappeler que le désert et la sécheresse. Merci, Coralie. C'est vraiment touchant. Solide. Ça, hein? Oui, je suis touché. Tu sens la magie de Noël, hein? Oui, c'est la première fois que je suis touché par quelque chose depuis le début de l'émission. Ah ouais, hein? Oui, vraiment. Ben, il faut dire que là, on était deep, Noël. Là, on était deep. Là, je commence à le filer. T'es conspirationniste là, aussi, la cannelle. T'aimes ça, toi, ça, ces affaires-là? Conspirationniste, ouais, j'ai. C'est qui que tu penses qui a tué Freddie Mercury? C'est Freddy Krueger. Freddy Krueger, t'as dit ben, n'importe quoi. Ben, le gars dans... Le Freddy, tu sais, les griffes? Ouais, ouais. C'est lui. C'est bon, ça marche. C'est ça, ça marche. Dis aux Crackberries qu'on passe au prochain. Ouais. Crackberries! Hit it up! Gaël Corbose, il amène des choses. C'est intéressant quand il est en avant. Je sais pas si on apprend, mais c'est le fun de voir Gaël nous montrer des affaires. Merci, les gars. Sérieusement? Ils sont incroyables. Ils sont incroyables. C'est capoté, hein? J'aime vraiment ça. Ils devraient être tout le temps. Mais souvent. On va être obligé de les découper puis les garder pour les terres et les siècles et les siècles. Gaël, directement de Verdun, bonsoir. Bonsoir, je vais juste remettre le micro ici. Bonsoir, oui. Que se passe-t-il, vous? Ben, écoutez, comme vous le savez, bien sûr, aujourd'hui, c'est le Noël du campeur. Donc, on célèbre la naissance de notre sauveur, Camping Jesus, qui est né dans une tente roulotte abandonnée entre un orignal puis un raton laveur. Ça a l'air incroyable, ça. Bon, alors, moi, je pensais qu'on fêtait 7 mois après la venue de Justin Trudeau. Non. Okay. Non, en tout cas, moi, je ne fête pas ça. Donc, je me suis dit, Noël, qui dit Noël du campeur dit cadeau. Donc, j'ai pas dit que c'était un beau cadeau, mais je vais vous faire des petites pensées. Que, tu sais, vu que Noël, c'est le temps de faire des bilans, hein, mais Noël du campeur, c'est le temps de faire un bilan de mi-année. Fait que... Il y a comme vraiment un cul, il sort tous ces mots. Là, tu sais, comment je vais vous dire des pensées que j'ai pensées pour vous aider à passer au travail de l'année jusqu'à Noël prochain. Et je vais prendre le micro. Et j'ai entrecoupé ça, Tommy, à ta demande, de quelques petites pensées sur le Noël des campeurs. Ben oui. C'est à ma demande, c'est le contexte qui veut ça. Oui. Elle serait vraiment déçue, elle, là, si t'avais pas d'histoire du Noël du campeur. Oh shit, elle a une grande box en plus. Ben, c'est ça. OK. Alors, on va commencer, madame. Tenez-vous prêt. Alors, si tu payes pour de la porn en ce moment. T'étais sûrement un des seuls qui a payé ses factures de la Maison Columbia. Alors. Ceux qui ont collé leurs bobos ensemble au primaire pour devenir frères de sang, ben, ça leur dérange pas de pas mettre de condom. Tommy, s'il y a le Noël du campeur, il pourrait avoir aussi l'Halloween du Ramadan. Tu sais, avec des enfants déguisés en Mahomet là, qui font du porte-à-porte pour dire qu'ils ont faim. Ça serait malade. Alors, des pommes, des poires, des ananas, des biscuits soda. Essayez pas ça, c'est vraiment de la merde comme smoothies. Si Nintendo a réussi à régler son problème de reset, reset, power, power, reset, power, Patrice Brisebois peut régler son problème d'élocution. Non, il n'y a rien d'impossible. Des vœux pieux, oui. L'inventeur de la grenade est mort en testant son invention, mais pas celui qui a eu l'idée de mettre un timer. Hey. Si tu cliques sur les pubs qui apparaissent pendant une vidéo YouTube, t'as déjà appelé dans les 30 prochaines minutes pour recevoir un deuxième Roller Switch Turbo tout à fait gratuitement? C'est toi, ça? Acheter une Kincan au dépanneur est une excellente façon de montrer aux gens que t'habites pas un château. S'il y a le Noël du campeur, Tommy, il pourrait aussi avoir la Pâque des cégepiens. Alors, c'est des jeunes qui se réveillent tout nus d'une piquerie abandonnée après un coma éthylique de 3 jours. C'est drôle, ça. Merci. Ça passe. Si un castor se fait un barrage avec des Saint-Saëns, c'est narcissique en tabarnak. Si tu dis que la Terre est plate, t'as juste à mettre de la musique. Alors, comme chacun le sait ici, tout peut être un dildo avec un peu de courage. Mais je commencerai vraiment à me poser des questions rendu au cadavre du chien dans la guerre des tucs. Geddy, c'est pas un super bon nom de pornstar. Tommy, s'il y a le Noël des campeurs, il pourrait aussi avoir le nouvel an chinois des passeurs de Publisac. Alors, si Marie Lou Wolfe avait vécu en 1759, qu'elle aurait eu un enfant avec le général Wolfe, et que cet enfant suit les traces de son père et devient lui aussi général, ben il deviendrait le général Wolfe. Tabarnak! Viens nous poquer une fois de temps en temps. Alors, ceux qui ont un tatou de Good Charlotte le regrettent présentement. Attention, celle-là peut faire mal. L'expression « un tien vaut mieux que deux tu l'auras » ne marche pas avec un sidéen. J'aimerais ça me faire enlever par des extraterrestres. Pour pouvoir en parler puis fondre en larmes vraiment facilement quand la visite veut pas partir. Ce serait pratique. S'il y a une panne d'électricité, ben les Power Rangers sont juste des Rangers. Je vous laisse avec ça, Tommy. S'il y a le Noël des campeurs, il pourrait aussi avoir le Cinco de Mayo des déménageurs. Faudrait juste pas que ça tombe un 1er juillet. Merci, Gaël Corbaz, directement de Verdun. Il est incroyable. Incroyable. On passe au prochain. Marie-Pierre Simard. Ça sent bien. Marie-Pierre Simard. Marie-Pierre Simard. That's it. Merci les boys. Ça va bien? Ils sont cinglés. Merci les Crackberries. Merci les gars. Cette balle-là, il va falloir les recryogéniser. Ben oui, c'est ça. Ils sont malades. Ça va bien? Salut Marie-Pierre. Ben oui, t'es full face, t'as ça. Hey man, c'est hot. On dirait que je suis comme un heureux mélange d'un habitant de l'île de Gilligan et d'Éric Lapointe. C'est comme ça que je me définis. OK. Oh! Bon, ce soir, c'est la fête hein, du camping. La fête du camping de Noël. Ben oui. Et c'est aussi la fête de Luca Magnotta. Bonne fête, Luca! Bonne fête, Luca! Non, on s'en va pas là-dessus, inquiétez-vous pas. Qui est marié? Ce soir, révélation choc, je suis une Vierge Marie du Noël du campeur. Oh! Ouais. Moi, ma mère, elle m'a toujours dit, elle avait toujours eu une haine meurtrière envers le Noël du camping. Et elle me disait que pour me faire peur un peu, pour pas que j'y aille, que le Noël du camping, c'était comme si j'allais acheter ma robe de bal définissante au Walmart. Ouais, elle me dit que si elle allait être quittée en crise, que tout le monde... Grinch de Noël du campeur. Là. Exactement, tout le monde allait rire de moi, puis qu'en plus, il faudrait se taper les employés qui sont trop dedans. Ouais. Hein? On se comprend là-dessus. Alors, ce soir, je suis fière de faire honte à ma mère, habillée de cette façon. On la salue. Yeah! Salut, maman! Je me suis toujours dit que si un jour je fêtais Noël du camping, ça serait avec Guy Jodoin, parce que je trouve qu'il y a une face à ça, hein? Quand même! Ben, il y a une face à pas dire non à grand chose. Ben, c'est ça. Fait qu'en ouais, viens-t'en, Guy! D'ailleurs, mon copain JF a collé une photo de Guy Jodoin juste comme sur la tête de mon lit. Comme ça, c'est notre feuille de Guy. C'est cute. J'ai pensé peut-être que je pourrais mettre une photo de toi avec ton bonnet de Noël juste à côté pour célébrer ma première fois. Moi, je vous l'ai demandé souvent. Hein. Oubliez pas de vous appeler Tommy l'un l'autre. Oui, c'est ça. Il va être content, JF. Ouais. Moi, quand je pense à Noël, en général, je pense hein, aux célébrations, au Père Noël et bien sûr aux malaises familiaux. Hein? Et moi, j'aime beaucoup les malaises. Donc, pour certaines familles, c'est déjà assez difficile de gérer entre, entre membres d'une même famille. Hein? Fait que, imagine si tu dois gérer les autres familles. d'au camping, tu comprends? Alors moi, quand j'imagine ça, le Noël du camping, j'imagine comme 1000 mononcles sous, OK? Le pénis au vent, la chemise hawaïenne, qui crisse le feu au sapin de Noël, puis que ça devient comme un feu d'incendie. Hein? Fait que ce soir, je m'attends à rien de moins. Bon, c'est sûr que pour moi, c'est facile d'avoir de l'imagination quand même, parce que j'ai une famille de fuckés. Juste à Noël dernier, j'ai dû dealer avec mon oncle schizophrène qui essayait de nous faire accroire que c'est lui qui chantait sur le CD de Pavioretti. Avec la nouvelle ma tante par alliance qui faisait de la coke dans les toilettes avec son enfant pour la première fois chez ma grand-mère de 80 ans. Ainsi qu'avec mon grand-père, un peu parano, hein, qui me contait que Céline Dion avait réussi à s'assurer une place dans le bunker secret sous le Mont-Royal en cas de catastrophe nucléaire. Ainsi qu'avec mon cousin, ben c'est pas vraiment mon cousin, mais l'enfant... Ça arrête jamais! Non, ça arrête jamais. Ainsi que l'enfant de mon cousin, qui est un, tu sais, il est un peu retard, puis lui, il faisait semblant d'échapper le bébé dans le buffet. Mais là, c'est pas de sa faute, c'est parce qu'il s'est marié avec sa cousine. Puis c'est ça que ça donne, hein, quand tu fourres avec ta cousine puis que tu décides de fonder une famille. on salue tout le monde. Ben, on salue toute la gang à la maison. Je sais que ça sonne un peu cliché, mais moi, des cousins germains, je trouve ça drôle, peu importe. Alors, ce soir, je décide de vous donner quelques petits conseils pour faire mousser le malaise dans un party de Noël en décembre ou en juillet, ou tout simplement pour favoriser la naissance d'une nouvelle petite cousine Chantal à trois yeux, hein, parce qu'on dira ce qu'on voudra. Même si ça coûte cher, hein, des lunettes à trois lentilles, ben quoi que chez New Look, c'est pas super, c'est divertissant à Chris à Noël. Bon, alors, je sais qu'il y en a qui détestent la chicane, et là, je parle pas du groupe. Alors, c'est sûr que c'est évident que pour ceux qui veulent éviter les malaises noëliens, un peu comme l'herpès, la meilleure contraception reste l'abstinence. Hein? Oui, tu peux toujours t'inventer un chum qui habite à Kamouraska ou un carabolage sur l'autoroute. T'sais, de toute façon, à TVA, il y en a plein qui passent. Là, le soir du réveillon, ta famille n'y verra que du feu. Hein? Comme disait le fameux dicton, vaut mieux un vivre un Noël comme un moron que sans Noël comme un mouton. Tout le monde connaît ça. Merci. Ce qui est invitant, par contre, au Noël du camping, okay, c'est que si ta famille n'est pas assez élevée, tu peux toujours en choisir une autre. Et là, choisis pas l'hostie de famille du rêve américain, grosse roulotte, trottinette électrique, puis leur bébé Golden Retriever, là. Fuck that. Choisis plutôt la famille de tout croche, qui s'habille en guirlande, avec la maman qui ressemble à la mère de Steffler dans Folie de graduation, puis le père que c'est méo, hostie dans Elvis Graton, puis que là, eux autres, ils commencent à trinquer à 8 h du matin, puis qu'ils sortent des toilettes communes en guise de tente. Ça, ça rock en hostie. Alors, voilà, on y va avec deux, trois petits conseils, là, random. Maison pour puncher ton Noël si ta famille est plate. Conseil numéro 1, le début de soirée. Premièrement, arrive 2 heures en retard, ben sous les mains vides. Si tu veux pas perdre ton permis, par contre, cale ta gourde de vodka dans ton champ dans le parking, puis mâche des bottes de top indienne. Hein? Quand ton odeur arrive avant toi, c'est toujours winner. Là, t'arrives, le souper est déjà fait, tu te bourres la face dans la salade de macaroni direct avec les mains, puis tu demandes des nouvelles de ta famille à la bouche pleine en postillant la maillot. Allô, grand-maman! Comment va ton cancer? Mal. Ah, OK, tu vois, ça passe mieux le cancer. Vous trouvez pas, non? Okay. Le cancer a vraiment mieux passé. Ben, ouais. C'est ça, il faut dédramatiser le cancer. Ce qui est fun, par contre, du côté du Noël du camping, c'est que ça commence à l'aurore. Bonne nouvelle, le monde son cocktail dès 9 h le matin. Et ça, c'est idéal. L'heure idéale, en fait, pour les confidences trop lourdes. Oui. Ça fout des malaises. Tu sais, là, tu peux en profiter pour dire à ta cousine, là, gossante, mère de parfaite famille, là, oh, trop cute ton bébé. On dirait qu'elle a la même face que le dauphin sur mon vibrateur. Oh, oh, c'est cute. En plus, il fait le même son. Ah, oui. Mon vibrateur fait ce son-là. Eh oui. Par contre, pas d'accusation de viol passé midi. Hein? Là, tu gâcheras pas la parade de mon hostie. Merci. Conseil! Un autre conseil, si t'es en charge du buffet, renseigne-toi sur les intolérances de chacun. Hein? Comme ça, si tu peux toujours préparer un plat spécial allergie au gluten pour ta tante qui gosse. Comme ça, elle va les chier toute la soirée. Puis tu pourras toi-même établir les malaises. Ensuite, on finit avec un conseil sur l'échange de cadeaux. Moi, dans ma famille, ce qu'on fait, c'est qu'on installe un micro lors de l'échange des cadeaux. Comme ça, la personne la plus scrap, elle peut commenter tous les cadeaux. Tu sais, comme une petite vieille affaire, cochonnerie sale. Il y a quelqu'un qui a perdu sa job, coudonc. Puis des fois, c'est un peu lourd, mais sérieux, moi, ça me fait rire. Des fois, il en profite même, genre, pour dire deux, trois vérités. Genre, c'était un petit peu de la gueule, man! Tout le monde l'a dit dans ton dos! Ça, ça commence à être un peu lourd. OK. Et si vous avez besoin d'aide, je finirai là-dessus. Vous pouvez toujours louer Marie-Chantal Toupin pour animer au micro. Elle ne doit pas être chérante ces temps-ci, puis elle n'a pas besoin de conseils pour être malaisante. Ça, c'est vrai. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Marie-Pierre Simard, mesdames, messieurs. Je te dis, ça va, LP? Ça va super bien. Ton premier 70% live, puis tu n'as jamais joué à Ouija. Non, man. C'est mon. C'est quel ton turtle préféré? C'est mon premier 70% live ici. C'est quel ton turtle préféré? Mon turtle, mon ninja turtle préféré, ouais. C'est Michelangelo. Non, tu te trompes. Ah, toi, t'es dans le team Donatello. Oh, non, ouais, comme ben underdog. Oui, ben comme voyons. Underdog. Si, ben non, mais Michelangelo, c'était comme le Donatello, funny. Il a inventé une machine pour changer de dimension puis remonter dans le passé. True Michelangelo, that. Il mange de la pizza. Ben, moi, je suis plus style pizza. Check tes flûtes. Check moi, pas que tu manges pas de pizza, là. Ben non, c'est bon. Ben ouais. Fais-moi un câlin. Fais-moi un câlin avec la pizza. Fais-moi un câlin. Câlin, c'est le pire câlin du monde. Tu vas-tu être au FME cette année? Je vais être crissement au FME cette année. Nous autres aussi, on va faire des 70% là-bas. Là-dessus, messieurs les Crackberries, on passe au prochain. Miao miao miao miao miao miao miao miao miao miao. J'aime même pas les chats. Salut Andy. Allô, ça va? Andy Choke. Allô, oui, Pélé, bonjour, ça va bien? Bonjour, ça va bien toi? Oui, ça va bien. D'accord. Bienvenue au Noël des campeurs. Ben, merci, joyeux Noël. Bon, c'est... parfait. Ken, comment ça va? Ça va bien et toi? C'est mon premier Noël des campeurs. Père Noël, ça va bien? Ma barbe ne tient plus, j'ai besoin de tape. Ah, ça c'est la chose la plus Noël que j'ai entendue à date. C'est incroyable. J'ai besoin de tape. Enfin, on dit les vraies affaires ici. Parlant de vraies affaires, j'étais sur Facebook et j'ai vu une conversation entre Éric Sanson et Étienne Forêt à propos du Noël de campeur. Parce qu'on se rappellera qu'on n'est pas connaît, aujourd'hui, on n'est pas le Noël du campeur, on est la veille du Noël du campeur. Oui, c'est le réveillon du campeur. Exactement. En voyant cette conversation-là, je suis allé me coucher immédiatement après et j'ai reçu la visite de Rock Voisine, qui était justement habillé en Impère Noël. Et Rock Voisine, d'une manière astrale, m'a amené vers les étoiles. Et m'a enfin donné la connaissance mythique de l'astrologie du campeur. Et je suis donc aujourd'hui ici avec beaucoup plus de connaissances maintenant et je vais vous donner la bonne parole de l'astrologie du campeur. Je tiens à vous expliquer que c'est très complexe. Il y a juste moi qui comprend les ramifications. Oui, ça a vraiment l'air de sortir d'un cul, ça aussi. C'est normal que vous ne compreniez pas. Mais je vous assure que c'est précis et véridique. Oui, voilà. D'ailleurs, tant que toi, t'es là. Oui. D'ailleurs, tout ce que je vais dire, ça s'applique quand vous voulez, à tous les jours, à tous les mois, et pour l'année du campeur qui commence, évidemment, le 1er août, parce que la nouvelle année du campeur commence le 1er août 2017. Oh, tabarnak! Jusqu'au 1er août 2018. Oui. Bien sûr. Déjà que l'année fiscale, c'est de la merde, on est rendu avec les années du campeur. Alors, si vous voulez suivre, évidemment, ça vous prend une information, votre signe actuel, évidemment. OK. Bon. Donc, on va commencer avec les lions, parce que en ce moment, si je ne m'abuse, les lions, c'est votre mois. Par contre, dans l'astrologie du campeur, votre signe, c'est Capricorne, donc prenez ça en note. Et Rock Voisine m'a donné une information additionnelle qui est un autre signe astrologique additionnel qui est le campingrologie. Et le campingrologie pour les lions, ascendant, lion, campeur, capricorne, c'est lanterne multicolore. Alors, vous êtes des lanternes multicolores dans le campyrologie. Alors, voici votre astrologie du jour, mois et année. Vous rayonnez autour de vous avec votre aura chaleureuse. N'ayez pas peur de vous réunir avec vos semblables. Ne prenez pas des vessies pour des lanternes et évitez les gens graisseux. Votre chiffre chanceux pour l'année, jour et mois, c'est 10. On s'en va vers les vierges. Donc, vierge, votre signe de campeur, c'est Verseau. Et votre campingrologie, c'est glissade d'eau. Alors, votre astrologie est... Vous êtes audacieux et ne prenez pas quatre chemins. Vous foncez en ligne droite. Une personne d'autorité pourrait vous ralentir. Suivez votre instinct. Votre chiffre chanceux est 13 pour cette année, mois et jour. On y va donc avec les balances. Balance, votre signe astrologique du campeur, c'est poisson. Votre signe campingrologie, c'est carpe. Alors, quatre planètes, ça c'est important pour vous, c'est une grosse année. Quatre planètes dans votre secteur relationnel vont vous permettre d'ouvrir un dialogue très profitable avec un banc de personnes. Vous aurez besoin d'air et de soleil afin de rester en forme, donc sortez de votre bulle. N'hésitez pas à saisir le jour, bien sûr, carpe diem. Votre chiffre chanceux est 2 314 564. On s'en va vers les scorpions. Je suis un scorpion. Mon ascendant, et pour les autres scorpions, votre ascendant de camping, c'est bélier, bien sûr. Et votre campingrologie est maringouin. Ah, tu sais, les maringouins. Alors, pour cette année, vous piquez à vif vos proches et drainez l'énergie de vos collègues de travail. Vous devriez donc vous éloigner, vous isoler un peu afin de pouvoir voler de vos propres ailes par la suite. Chiffre chanceux, 109. Hey, calmez-vous, là, voyons donc. C'est le nom d'un magasin de linge de hippie quelque part, ça, c'est sûr. Alors, on s'en va vers les Sagittaires. Sagittaire, votre signe de camping. C'est moi, ça. Ah, ben voilà. Yes. Donc, ton signe de camping, oui. De camping est taureau. Et ton signe de campingrologie est cowboy. C'est moi, ça. Et voilà. Donc, pour toi, ton astrologie, pour les autres taureaux, sagittaires, cowboys, vous êtes à l'écoute de votre partenaire et aimez lui donner des consignes, des ordres, presque. OK, oui. Vous aurez tendance à poursuivre des groupes. Chassez le naturel afin qu'il puisse revenir au galop. Chiffre chanceux, 2. Je sais pas pourquoi. Deux. Il n'y a aucun contrôle là-dessus. Moi, tantôt, c'est 2 millions quelque chose. Toi, c'est 2. Je vais jouer 2 tonnes. C'est les astres. Hein? Les astres. Les astres. Je vois vraiment comme un cul dilaté, puis toi qui mets ta main dedans, puis qui sort des mots. Là, ça, c'est les as. Je jouais vraiment ça. Là. Ça, c'est les as. C'est pas les asses. On s'en va chez les Capricornes. Les Capricornes, votre signe de camping, de campeur plutôt, c'est Gémeaux. Et votre signe campingrologie est Flamant Rose. Mon Dieu, on a beaucoup de Capricornes, Gémeaux, Flamant Rose. Alors, votre astrologie du jour, mois et année, on vous fait attendre constamment et vous êtes tanné de faire le pied de grue. Quelqu'un de votre entourage vous cache des choses, mais vous êtes perspicace et allez découvrir le poteau rose. Votre chiffre chanceux, 99. Alors, on s'en va vers les Verseaux. Le signe du campeur des Verseaux est cancer. Et votre camp... je commence à avoir de la misère à dire le mot. Et votre groupe campingrologie est le motomarine. Ça, c'est drôle. On dit vraiment le motomarine? C'est le motomarine. C'est un motomarine. Oh, oui, c'est, okay. C'est, ben, c'est comme... C'est comme, comme une moto, puis c'est la marine. C'est comme vierge, c'est le vierge. Et le vierge, fait que c'est le comme, vierge. OK, ouais, c'est bon. Okay, c'est bon. Journée parfaite pour foncer. Votre présence se fera entendre dans tout le voisinage. Attention de ne pas tourner en rond avec votre entourage particulièrement, particulièrement avec l'être aimé qui voudra vous monter un bateau. Chiffres chanceux, 6 et 12. 6, 12. 6, 12. On s'en va chez les poissons. Ça achève, les amis. On s'en va chez les poissons. Votre signe de campeur est lion et votre signe campingrologie est raton laveur. Vous avez tendance à vous éparpiller et à laisser traîner. Vous êtes aussi très opportuniste et agrippez les occasions qui se présentent. On vous accusera de méfaits. Prenez vos responsabilités. Ne vous en lavez pas les mains. Votre chiffre chanceux est pire. Alors, on s'en va chez le Bélier. Le Bélier, votre signe de camping ou de campeur est vierge. Votre signe de campingrologie est feu de camp. C'est un beau signe, campingrologie. D'ailleurs, votre année est très belle, vous allez voir. La passion est au rendez-vous. Mais attention de ne pas vous brûler, car le feu... Ça brûle. C'est chaud, c'est dangereux. C'est important. Alors, aussi, ménagez-vous. Vous avez besoin de repos, car vous avez tendance à brûler la chandelle par les deux bouts. Votre chiffre chanceux est le 666. Taureau, votre signe de campeur est balance et votre signe campingrologie est taureau mécanique. Donc, on voit qu'il y a un trend. Taureau, balance, taureau mécanique. Ouais. C'est celui-là que j'ai eu le plus de misère à décortiquer. Aujourd'hui, grâce au trigone Vénus-Jupiter, vous allez capter l'attention d'une personne. Vous saurez la reconnaître, car elle vous fera également des avances et elle aura un drap rouge. Sinon, continuez à garder votre équilibre légendaire et ne vous laissez pas bousculer. Votre chiffre chanceux est 3%. Il nous reste les Gémeaux et les Cancers, donc on s'en va chez les Gémeaux. Gémeaux, votre signe de campeur est bien sûr les Scorpions et votre signe de campingrologie est fléchette de gazon. Votre astrologie est vous vous ferez plaisir, tout simplement. Côté finance, vous pourrez dire merci à Jupiter car cette planète vous sortira une épine du pied. En amour, n'hésitez pas à impressionner l'être aimé en l'amenant en pique-nique, mais soyez patient, ne vous laissez pas pomper le dard par celui-ci. Votre chiffre chanceux est 19,99. Et on finit avec les cancers, votre signe... t'attendais ça. Oui, je t'ai gardé pour la fin, évidemment. Oh. On s'en va chez les cancers, votre signe de campeur est sagittaire et votre signe de campingrologie est carte de golf ou triporteur, selon la région. Cool. Vous aimez l'harmonie et quelques personnes pourraient ne pas aller dans cette direction. Vous avez donc l'impression de faire du surplace. N'hésitez pas à embrayer et à filer à toute allure. Laissez les personnes aimées faire place à côté de vous et votre chiffre chanceux est par 3. Alors, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Achetez mon livre. Andy Jacques, mesdames, messieurs, on vient d'en apprendre beaucoup sur une science qui sortait vraiment d'un anus dilaté. C'était incroyable. Est-ce que Andy va continuer ça toute l'année? J'espère que non. Il a une colonne quelque part? J'espère. Sans déconner, à tous les jours, j'ai mon horoscope du camping du Noël. Voilà. Hop là, ça c'est fait. Redilate le cul chaque jour et va chercher l'information de la journée. T'es très anal ce soir, j'ai l'impression. Non, mais je suis provoqué, là. Oh là là, calme-toi, c'est Noël. Relaxe-toi, c'est Noël. C'est vrai. Hey, sinon, let's go, Père Noël, va nous parler un petit peu. T'as fait toute la soirée, mesdames et messieurs, l'Impère Noël, s'il vous plaît, on peut l'applaudir. Il a créé tellement de sourires dans la salle, plein de gens qui ont eu des cadeaux. On a même découvert la copine à Louis P. C'est capoté, ça? Grande fan de GoldenEye, d'ailleurs, de James Bond en général. Tout est bien. L'Impère Noël ne vise pas dans le beurre. Hey boy. Parle-nous, là. Et non, cette année, je ne suis pas l'Impère Noël, je suis le Goro de Noël. Ce fut qu'un subterfuge. Non, en fait... Oh non, merde, c'est tout gâché maintenant. Si, c'est mon oncle Claude. Fuck. Opération commerciale. Je suis pas gentil, je suis super méchant. En fait, vous avez sûrement vu sur vos tables des flyers pour un court-métrage qui s'appelle Sleazy Pete, qui va jouer vendredi prochain à Fantasia. Je vous garantis, c'est du hollywoodien pur et dur, pur laine, pur schlag, esti. Désolé le langage, je suis pas le Père Noël, je suis méchant. Ouais, tu peux dire le H word de toi, je pense. Je dis le H word qui est quoi? Hate? H? Hochelaga. Hochelaga. Hollywood, tabarnak. Je vous le garantis, dans ce film-là, il y a 5 gallons de sang la minute. La minute, 5 gallons. Et c'est voilà. Du Hollywood à côté, avec fait avec les moyens du bord, puis ben gros du fun. Et voilà. Venez voir ça, Sleazy Pete, vendredi à 7h30. Merci beaucoup. L'Impère Noël. Si on finit avec ça, ça va. Ah, Fantasia. Bien ouais, sûr. Ouais. La Fantasia, hein. Fantasia. Et puis, messieurs des Crackberries, on s'en va à notre dernier bloc de nouvelles, s'il vous plaît. Le bulletin de Simon Cussonnet. Deuxième partie. Le bulletin de Simon Cussonnet. Deuxième partie. Deux bulletins de Simon Cussonnet. Deuxième partie. Le bulletin de Simon Cussonnet. Merci la France. Ouais. Merci les mecs. Ça c'est cool. Deuxième partie. J'ai bien aimé ça. Un villageois de 76 ans a été arrêté mercredi soir après de multiples appels au 911 provenant de son domicile dans le village de Glenbrook, situé quelque part vaguement en Australie. René Wheeler appelait pour de fausses urgences dans sa demeure. Wheeler a expliqué à un agent qu'il avait du mal à composer le 911 et qu'il fallait que quelqu'un vienne l'aider. L'interlocuteur du service d'urgence a indiqué à l'opportun qu'il n'était pas nécessaire d'appeler le 911 pour des situations non critiques car il était illégal de faire mauvais usage du numéro d'urgence. Après cette dernière mise en garde, un autre appel a été reçu provenant du domicile du Chris de Danin et ce dernier a été arrêté. Lors de sa déposition à la question « Pourquoi continuez-vous d'appeler le 911 malgré nos mises en garde ?», l'interpellé a répondu « Ah, c'était juste pour vous faire chier !» Le coupable a dû s'acquitter d'une amende de $500. L'ennui australien aurait joué un rôle dans cette affaire. Une petite sympa, une dame de Pasadena a eu la surprise de découvrir un cambrioleur sur son plancher aux alentours de 6h30 du matin ce samedi. Après être rentré par effraction et après avoir fouillé quelques pièces de la maison, l'intrus était soudainement pris d'un petit creux et s'est confectionné un sandwich au milieu de son méfait. Après l'avoir avalé, il a été atteint d'une crise de flemme incommensurable et il s'est allongé dans le couloir où il a été découvert par la victime. Il a été jugé, puis ce genre de conneries, parce qu'il faut vraiment être con pour faire ça. C'est vraiment un plan de match invulnérable. Ça, alors, qu'est-ce que j'ai d'autre dans mon cul? Ah, j'ai une nouvelle 70%. C'est pas mal, ça. En Floride, David Blackmon a contacté le 911 dimanche matin pour signaler le vol d'un sachet de cocaïne dans sa voiture garée à Fort Walton Beach, en Floride. L'APD, l'agence de presse douteuse, précise que l'homme de 32 ans a contacté les policiers pour signaler un vol dans son véhicule à Fort Walton Beach. Il a informé un policier que quelqu'un lui avait dérobé $50 et exactement 10 grammes de cocaïne. L'agent dépêché sur les lieux a repéré des traces de cette même drogue ainsi qu'une roche de crack et d'une pipe sur le plancher du véhicule du côté du conducteur. Tabarnak. David Blackmon, en donnant son activité professionnelle, a indiqué qu'il était lui-même trafiquant de drogue et a notamment été accusé d'avoir résisté à son arrestation et pour possession de cocaïne et ce genre de bricole. Il a été relâché mardi. Ah, c'est sûr que si t'es dans cette équipe de cette cave-là, tu payes sa caution, là. Parce qu'en dedans, je pense que ça va filtrer. Moi, ouais, mais il travaille fort. Tu crois que c'est mal. Tu crois que c'est. Tu sais, il faut se taper tous les cas sociaux du quartier, vendre de la dope. C'est un métier, donc à un moment donné. Je suis désolé, c'est de l'expérience qu'il faut conserver dans son entreprise. Oui, monsieur. Voilà. C'est ça. Après 2 ans, tu me vends de la dope pour moi. Je sais pas, je te donne le dentiste, une affaire de même. Ah, ouais, c'est. Au moins une semaine de congé, peut-être. Ah, je pense pas, non. Deux. Non, va vendre la drogue. Est-ce que tu me donnes le Noël, le jour férié, le lendemain de la veillée du Noël du campeur, genre le 25 juillet? Est-ce que tu me donnes ça au moins? Super pas. Putain, t'es un sac à merde. Tu sais pas comment ça marche, toi, vendre la drogue? Si, je vois comment ça marche, on est tous bénévoles ici, tu vois. Alors, super, ouais, bonjour l'ambiance. Fait que let's go, you know. Et parlons de bénévoles, puisqu'on va parler de gnomes. Le conseil de la ville de Wistaton en Angleterre, oui, cherche pas, il y a aucun lien. Wistaton en Angleterre a ordonné que Lawrence Perry retire les nains de jardin qui trônaient fièrement devant sa maison. L'ornement de jardin est un magnifique parterre de fleurs. Un magnifique parterre de fleurs, avait été placé ici par leur propriétaire afin d'égayer le voisinage. Mais le retraité a reçu une lettre de la municipalité indiquant que le nain pourrait entraîner une distraction des automobilistes passant devant la maison et provoquer un accident. En effet, le nain est dans une posture de mooning qui consiste à exposer fièrement son anus rond et ses fesses rondes et joufflues. La municipalité a ordonné le retrait du nain sous peine de se le voir faire retirer par un employé de la mairie. « Oh, je suis déçu !» explique Perry. « Ma fille me l'avait offert pour la fête des pères et elle sait que j'aime rigoler. Le lol, le lol. » Rock'n'roll. J'ai travaillé avec le reste des voisins pour transformer ce qui était une parcelle en friche, quelque chose de plus attrayant. La mairie a répondu... Nous ne voulons pas tuer le fun, mais il y a une vraie question de sécurité ici. Et de telles décorations pourraient provoquer des accidents. Et voilà. Une belle bande de sacs à merde, cette mairie de What the fuck, fuck you, with Staton de cul. Voilà, voilà, c'était mon mot de la fin, merci. Merci beaucoup. Simon Cussonnet, mesdames, yeah, messieurs. Merci, merci, vous êtes cool. Sinon, Louis-Philippe, j'ai entendu, oui, dire que là, on va laisser notre house band de finir l'émission tranquillement. Oui. On va te mic'er et toi, tu, oui, vas nous faire des tunes à toi. Oui, oui, ben c'est Noël. C'est un petit peu de magie, Noël, hein? Ah, c'est ben tellement, oui, je fais ça tout Noël-y. Et sinon, Fanny, est-ce que je peux te demander de venir parader fièrement devant la caméra qui pense à nos gens en ligne le dessin? Et pendant que tu fais ça, le dessin qui va être vendu à l'encan tantôt... j'aimerais remercier du fond du cœur Alexandre Larocque, Olivier Sirois, Mathieu Potvin et les techniciens sans qui rien de tout ceci ne serait possible. Ce soir aussi, on a eu de l'aide de la part de Jessie et Anne-France, la reine, quant aux décorations. Donc, Fanny, je t'en prie, montre ton dessin à l'écran ou aux gens. Ça a été fait ici, c'est le dessin du... Tu peux expliquer certains. Alors, moi, j'aime beaucoup la lutte, donc je l'ai dessiné deux lutteuses, puis quand je suis arrivée sur place, je me suis rendu compte que, hey, c'est un thème de Noël, donc en fait, je savais, mais tu sais, quand tu vois les décorations, tu t'en rends un petit peu plus compte du sérieux de la chose. Alors, c'est la mère Noël qui sac une volée à la Fée des Étoiles. Yeah! OK, prends ça, la Fée des Étoiles. Et c'est un Fanny Grégoire original qui va être vendu à l'encan tantôt. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci infiniment aux chroniqueurs. Tranquillement, on va passer la POC à Étienne Forest, un VJ quand même assez exceptionnel. On est très content que vous soyez là avec nous. Sinon, ben pour l'instant, Louis-Philippe, si on veut suivre le Gingroverse sur Facebook. Oui, ben sur les Facebook ou sur le point .com. Corps gras, ça va bien, ça? Corps gras, ça va super bien. Il faudrait qu'on vienne à un moment donné à Corps gras. Ça va bien. Là, on est devenu, on se voit pas souvent, moi puis Julien Griveau, okay, qui est mon acolyte de Corps gras. Mais là, on est voisins. Je déménage dans Villeray, puis j'étais à une rue de chez eux. Fait que là, ça sent le barbecue. Ça s'en vient. C'est ça, voilà. Fait que ça sent la pratique. Et on a un show de Corps gras, en fait, dans le mois d'août. Je crois que c'est autour du 18 août, entre le 10 et le 19 août. Ça, sur Facebook, si on te suit, on va le savoir, ouais, ouais, et tout. Ouais. Un musicien exceptionnel. Merci beaucoup d'applaudir une dernière fois, yeah, avant qu'il joue de la musique. Notre, ouais, bon chum, Louis-Philippe Gras. Donc, messieurs les Crackberries, je vous laisse prendre le temps que vous voulez en audio pour finir l'émission. On va placer notre ami Louis-Philippe ici pendant ce temps-là. Merci tout le monde, c'était 70%. OK, on te latte des mains. Si vous avez des mains, si 70%, je ne demandais pas autant. Moi 70%, j'ai jamais eu autant. Dans le doute, on fête Noël en août. Je sais que c'est juillet. Parapapam-pam, petit papa Noël, les anges en nos campagnes. Mon beau sapin. Roi des forêts. Je vais danser. Bon. C'est 70%. J'en demandais pas autant. C'est 70%. J'ai jamais eu autant. Juillet, parapapam-pam, petit papa Noël, les anges dans nos campagnes. C'est pas mal ça, je te dirais. OK, bon, on va faire... Florence n'était pas là, mais on avait quand même préparé une tune pour elle. On va la faire pour elle. Attends un petit peu, il faut que je change de son. Attention à vos oreilles. Vas-y. C'est pas drôle, OK? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Florence Payette à l'écoute des films. Après, elle a fait un compte rendu. Elle nous fait économiser du temps pis de l'argent. M'a dire une chose, faut que j'écouterais pas ça. Des blockbusters à l'eau de rose, des maudites affaires plates de calvaire. Je remercie Florence. La la la la la la la la la la la la. Fait que pas avec ça. Je pense qu'on a fini pour de vrai là. Fait que nous autres, on retourne en 84. Amusez-vous, tout le monde. C'est à toi. Merci, les boys. C'était solide. Donc, salut, joyeux Noël à tous et toutes. Donc, je m'appelle Louis-Philippe Gingras. Merci, full de l'invitation, Tommy. À ce Noël du campeur 2017, je réfléchis beaucoup aux gens qui ne sont pas comme nous, c'est-à-dire qui ne se rassemblent pas à Noël. Les gens qui sont seuls au Noël du campeur, c'est une réalité qui nous touche tous. Puis je veux leur dédier cette chanson qui s'appelle « Seul à Noël ». Tu n'as pas de maison, mais tu as un sapin. Mais lui n'a pas de boule à te mettre sous la main. Tu n'as pas de famille, ils sont morts. T'es comme un enfant reject dans son blanc château fort. Comme la fée des étoiles qui bouait après son shift. Le minuit chrétien, t'es-tu seul, pis tu siffles comme le Père Noël dans son carrosse. T'es-tu seul à Noël, pis tu te grosses. Ah, ah, ah, ah, come on, bro. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, donc chier. Joyeux Noël, maman. Joyeux Noël, papa. Joyeux Noël, mon oncle Yvan. Joyeux Noël, ma tante Jocelyne. Tu n'as pas de cadeau, tu n'as pas de tourtière, pas d'amis. Jamais eu de belle-mère à frencher sous le gui. Tu n'as pas de cadeau dans ton bas de culotte. Mais tu as un traîneau pour flasher avec les plottes. Comme la fée des étoiles qui sniffe droit sur son shift. Le minuit chrétien, t'es-tu seul, pis-tu siffles comme le Père Noël dans son carrosse. T'es-tu seul à Noël, pis-tu te grosses. T'es-tu seul à Noël, pis tu te crosses, mais tu as Jésus. All right. Hey, je finis ça sous le thème du non-humour. Voici une chanson qui s'appelle... En fait, c'est vraiment une toune que j'ai écrite pour le Noël du campeur. J'ai écrit ça dans le mois de mai, puis j'avais vraiment hâte que ce soit enfin Noël, que je puisse enfin avoir pas de cadeau. Ça s'appelle « Toune de Noël pour ma chum ». Toi et puis moi... On est fait en sludge, on fond au premier rayon le soleil d'une paire de yeux. Excuse-moi, j'suis un peu too much, j'trouve jamais le bon emoji hostie pour te dire combien je t'aime. Fait que je t'écris une toune de Noël. Quand qu'il y a même plus de slotch d'un ruelle, je t'envoie un roi mage de caresse. Tu me donneras ton adresse. Peut-être que c'est moi t'as un peu too much. Je garoche ma bouteille d'amour sur le stage des gens mal aimés. Toi et puis moi, on est fait en botch. De top, inambour, les tambours tout croche. Vargeron, combien je t'aime. Mec, je te chante ma toune de Noël. Y'aura même plus de botch d'un ruelle. Je t'envoie un roi mage de promesses. Tu me donneras ton adresse. Une toune de soir de semaine au Noël du camping Sainte-Madeleine. Ton messie arrivera à minuit moins 20. Juste à temps pour le minuit chrétien. Et quand tombe sur Chaoué une bordée de confettis, check dans ta valise, j'y ai caché une pelle. Si ta nuit noce est grise, si je manque ton appel, prends une pelletée de slush de ciel bleu aux framboises. Si tu files un peu moche ou si les fils se croisent, fonde dans mes mains véros, fonde dans mes mains véros. Parce que je t'écris une toune de Noël. Y'aurait même petit slotch d'un ruelle. Ton messie arrivera à minuit moins 20. Juste à temps pour le minuit chrétien. Merci! Joyeux Noël! Faut le plaisir. Merci, Tommy. C'est le fun, ça. C'est moi qu'il faut qu'il dise le mot de la fin, genre. T'as besoin d'en avoir un. On a des choses à jaser. On a des choses à mettre au clair. Premièrement, vous allez dire un gros merci à Louis-Philippe Gingras. Deuxièmement, tout va bien. on a parlé dans l'événement Facebook et dans le reste. Merci Louis-Philippe, on te prend un petit peu pour acquis à ce moment-ci. T'as dit que t'étais pour revenir, puis je t'apprécie bien gros. Fait qu'on va se voir au FME. Puis en attendant, elle était trop touchante ta dernière tourne. Touche-moi. Ça va être correct, hein? Louis-Philippe Gingras, mesdames, messieurs, à partir de maintenant, oui. Je pense que Sam, qui est dans la pièce, qui a été comme co-director de ce qu'on s'en va regarder. Moi, vous le savez, j'ai une fascination pour plein d'affaires. Et une de ces affaires-là, c'est les films de chiens. Et dans le folder des films de chiens, il y a les films de chiens de Noël. Et en janvier passé, Sam m'a demandé de jouer le héros d'un film de chiens de Noël. Et là, ce soir, on va l'écouter pour la première fois de toute l'histoire de la vie. Ça n'a jamais joué nulle part. C'est une première du météorologue. Est-ce que tu veux venir en parler un petit peu? Un processus de tournage qui a été très charmant. J'ai beaucoup aimé votre technique qui consistait à aller louer du bed and breakfast. Là, un quoi? Vous avez loué une pièce? Oh, on a loué une pièce sur Airbnb pour faire son appartement. C'est le pire Noël, film de Noël ever. Là. Avec un chien en plus. Commandité par les biscuits météo. Pour vrai. On a amené aussi, fait que j'en ai donné après le film des biscuits météo, caramel et fraises. Parce qu'il y a eu la commandite, ils vous ont donné des, ben ils nous ont donné des boîtes vides et des boîtes pleines. J'en ai mangé en tabarnak et sûrement que dans le montage final, ça va paraître. Peut-être que tu pourrais dire comme une joke avant d'aller t'asseoir puis on écoute ça. C'est Noël, tabarnak! C'est Noël, tabarnak! Noël! Noël! Noël! Noël! Tabarnak! Fait que là, pour la première fois de ma vie, je vais me regarder comme acteur dans un film de chien de Noël. Puis juste après, ça va être Étienne Forêt qui fait le VJ. Je vous souhaite un Noël du campeur à moitié aussi beau que le mien. Merci d'être là. Let's go, Mathieu. T'es mon meilleur. Tu peux partir l'aventure. Le météorologue. C'est capoté! Ma dernière boîte est ouverte, j'en mangerai même les miettes, j'irai jusqu'à lécher l'emballage. Météo, météo, météo, cet amalgame chocolat fraise que je mangerai à coups de caisse en révisant mon banco. Météo, météo, météo. Banco, si tu m'as jamais lâché, toi. Je vis dans un demi-sous-sol, je dors à même le sol, et je n'en ai jamais trop. Météo, météo, météo. Voyons, c'est pas le temps, là. Bonsoir! Joyeux Noël du campeur! J'espère que vous êtes contents. Est-ce que vous avez assez souffert? Ça me fait plaisir! Vous saviez que, évidemment, Andy en a parlé tantôt, mais c'est le nouvel an du campeur le 1er août qui s'en vient. Mais le détail qu'il n'a pas mentionné, c'est qu'il faut faire popper le champagne à 2 heures l'après-midi et pas à minuit le 1er août, parce que c'est tout le temps un ratio de plus 7 douzièmes. C'est comme ça que les campeurs vivent. Mais par contre, l'erreur qu'on fait souvent, c'est que les campeurs en ce moment, ils sont à l'heure normale, eux autres, parce qu'on avance l'heure des campeurs le deuxième dimanche d'octobre. Donc, en fait, leur 2 heures, c'est quand il est 1 heure ici pour les non-campeurs. Bon, fait que ceci étant mis au clair, on m'a demandé de contribuer à votre soirée en animant un mini encan où on a de la crap à vous vendre. Question de financer cet organisme qui a toujours besoin de plus de votre argent, parce que vous avez remarqué que tout ça, c'était gratuit jusqu'à maintenant. Donc, voilà. Fait qu'on a Vanna White ici qui a pris légèrement de poids et qui nous présente un packet light. C'est quoi ça? C'est juste comme une graine? Ah, ben ouais. Mais c'est-tu supposé faire quelque chose ou bien c'est vraiment juste qu'on est rendu douteux.org vend des dildos? Ah ouais, c'est bas là, hein? Ça s'améliore pas. Fait que y a-tu quelqu'un qui veut un dildo? Je pense, je connais quelqu'un qui. Ouais. On nous dit qu'il a jamais servi. Une pièce ici. Je sais qu'il y a quelqu'un dans ce coin-là qui risque d'être d'accord d'en vouloir un. Sentez-vous libre, tout le monde. Fait qu'on a une pièce pour le packet de dildo light. 5 piastres, Tommy, qui va pour un gros 5 $, qui va racheter son dildo, je sais pas. 5 $, y a-t-il quelqu'un qui donne plus que ça? Puis on va enchaîner rapidement parce que j'ai l'impression que. Non, non. Ah, j'ai entendu un 6 pour vrai? OK, ben là, tu peux pas caler des prix pour quelqu'un d'autre, là. Mais tu peux l'acheter puis lui offrir. Fait qu'on a 6 $ une fois pour ce gars-là. 6 $ deux fois. J'ai un 7 ici. Ce qui a été sauvé, là. 7 $ une fois. 7 $ deux fois. Il y a un 8. 8 $ une fois. 8 $ deux fois. Et 8 $ trois fois. Let's go. Ouais, ça va bien, douteux.org. Ouais. Je me rappelle des belles années. OK, ici, on a un magnifique poster de Indiana Jones. Le fabuleux poster du film du Kingdom of the Crystal Skull, qui est tout votre préféré à tout le monde. Apparemment, il y a un 4 piastres qui a été dit en arrière. C'est vrai, ça? Non, OK, c'est le 4. OK, ouais. 2 piastres? 3 piastres? 4 piastres, et voilà. 4 piastres pour le 4e film, c'est très concept. 4 $ une fois. 5 piastres. 5 $ une fois. 5 $ deux fois. Et 5 $ trois fois. Et oui, tu l'as eu, bravo, il est fier. Regardez-le, il est content. Il est à peine magané en plus. On voit qu'il n'a pas été écrasé pendant qu'il était roulé pantoute dans le déménagement. C'est très subtil. Le dessin, c'est pour la fin, ça a l'air, qu'on me dit. Donc, on a un autre poster ici. Ah oui, ben ça, vous allez connaître ça, amateur de douteux que vous êtes. Magnifique poster de Kung Fu Zombie, film produit par des gens du douteux ici, et dont plusieurs personnes de la salle font des caméos. Et à ça, dans le lot, on ajoute 2 VHS. Discovering Canada by Rail. Ça a crissement l'air passionnant. Mon Dieu. Y a-tu de quoi de plus plate que découvrir le Canada dans un train? Oui, l'écouter chez vous, la découverte de quelqu'un d'autre dans un train. Le poster est signé, quelqu'un me dit. Signé, ah oui, derrière. Ah ben voilà. Oh non, attention, fais attention à Discovering Canada by Rail. Hey! Oh non! Alors, on vient d'augmenter significativement la valeur de ce lot. Et on va ajouter à ça VHS de The Rules of Attraction. Tu veux-tu la péter tout de suite, celle-là aussi? Et sinon, un magnifique porte-monnaie en forme de petit gant en laine. Ça s'ouvre, puis on peut mettre la monnaie. Calisse, les gars. Eh là là. Bon, alors, mais il reste le Kung Fu Zombie. Puis si vous vous tenez à la cassette Discovering Canada by Rail, vous pouvez la prendre quand même. Puis l'autre qui est dans le rideau, ouais, ouais, tout ça. C'est à vous. OK, qui c'est qui me donne une pièce pour tout ça, là? 1 $, et voilà. 2 $, et la lait est chaude. 3 $, 4 $, 5, 6. À date, c'est l'affaire qui est montée le plus haut, c'est ça, hein? Plus cher qu'un dildo. 6 $ une fois. 6 $ deux fois. 10! Et voilà. On sort les gros billes. 10 $ une fois, 10 $ deux fois, 11 à l'arraché. Ah, regardez, elle est encore bonne. 11 $ une fois. 11 $ deux fois. 12 $ une fois. 12 $ deux fois. Et là, 13! Colique, ils jouent avec nos nerfs, eux autres, là. 13 $ une fois. 13 $ deux fois. 14 $ une fois. Et n'as-tu un qui va faire son homme et qui va dire 20 au lieu de niaiser, là, à coup d'une pièce comme des fifs? 14 $ une fois. 14 $ deux fois. 20, et voilà! Vous avez vu ce que j'ai fait? C'est moi qui ai fait ça! 20 $ une fois. 20 $ deux fois. Et 20 $ trois fois. Voilà, oui, on voit les ficelles un peu, les trucs du métier. En même temps, ça va plus vite. T'sais. Tout le monde y gagne. Une cassette est tombée là. Oui, oui, pour 20$, tu vas tout avoir. Tu vas toutes les avoir. All right, là, il nous reste le dessin. Alors, le dessin, 100% des profits du dessin vont à l'artiste qui a fait le dessin, soit Fanny Grégoire, qui nous a fait ça tout à l'heure live pendant que vous écoutiez 70%. Alors, magnifique dessin du Noël des campeurs. Fort approprié. Donc, on a la Fée des Étoiles qui se fait faire une prise de lutte par la Mère Noël sur un ring. C'est quand même nice. Y a-tu quelque chose d'écrit derrière? C'est signé? C'est pas... Non, y a rien. C'est pas... Ah, c'est signé en avant. Et voilà. Donc, qui veut ce magnifique dessin du Noël des campeurs qui fera fureur pendant toute la semaine? 20$, et voilà. Mon Dieu, j'ai rien eu à faire ce coup-là. 20$ une fois. 22$ une fois. C'est de l'or. De l'or, ça va valoir cher. Cette fille-là, éventuellement, elle meurt. T'as ce dessin-là. Tu sais pas là où ça s'en va. 22$ une fois. 22$ deux fois. Quoi? OK. J'avais vaguement compris 30. Je me disais, voyons. Ça va être 22$ trois fois. Tu l'as eu. Bravo. Félicitations. Et voilà. Donc, c'était le moment où on vous extorquait de l'argent pour survivre en échange de nos cochonneries. Merci à tout le monde d'avoir été là. Il y a un film qui s'en vient. Je me rappelle plus c'est quoi. Grumpy Cat. Ah oui. Calique. Hey, c'est dommage que moi j'ai d'autres choses après. Fait que ça va être ça. On remercie beaucoup les techniciens et le staff du bras et je passe le micro à notre sympathique Tommy Godette qui va vous parler de Grumpy Cat comme vous n'en avez jamais entendu parler. Mesdames et messieurs, Étienne Forest, s'il vous plaît, donnez-y là. Ça a été le VJ du campeur, l'encanteur du campeur. Merci Étienne, c'est tout le temps content de partager un show avec toi et d'autres. Sinon, on saucera pas trop longtemps avant d'y aller. Ça existe. En 2014, il paraît que Grumpy Cat a engrangé 14 millions de dollars. Il paraît que ça a été la nouvelle marque la plus lucrative de 2014. Parce que Grumpy Cat, son pouvoir secret, c'est de jamais savoir c'est quoi qui se passe. C'est un chat. C'est sûr que dès qu'il faisait autre chose que pas savoir ce qui se passait, il recommençait à take. Là, il disait, veux-tu du thon, quelque chose en canne, de quoi d'huiler? Puis là, finalement, le chat, il prenait ça, puis on pouvait recommencer à filmer. Parce qu'en 2014... La brand la plus célèbre de l'humanité, c'est un chat qui est né avec une informité. Warrior, warrior. Donc, ce film se passe presque entièrement dans un centre d'achat. Déjà, on n'est pas loin d'une métaphore très solide. Peut-être la surconsommation. Vous allez voir aussi, il y a quelque chose, juste avant que je vous laisse et qu'on écoute le film. Moi, je suis un spécialiste des films avec des animaux, notamment des chiens dedans. Et il y a une manière que ces affaires-là communiquent des fois, et c'est par télépathie. Puis on dirait que dès que tu as des pouces, tu peux plus parler par télépathie avec les autres animaux qui sont à côté de toi. Mais en attendant, tu peux parler perroquet télépathe avec un chien télépathe qui parle avec un iguane télépathe qui parle avec un chat télépathe qui parle avec des grenouilles télépathes avec des... La seule limite, c'est l'être humain. Et là-dessus, on va vivre une des aventures les plus 1h30 pour vrai que vous allez jamais voir de toute votre vie. C'est un long métrage de Noël, de Noël! Et c'est le film de Noël du campeur qu'on vous offre. On a eu une excellente soirée. Merci vraiment beaucoup au Brouhaha de nous avoir hébergés. Merci à la gang du météorologue. Ça fut un privilège d'être un acteur. Merci aux gens de Punk Fu Zombie, Franck Apache. On est content de te revoir au Québec. Sinon, il y a des projectiles, puis il y a de la bière, puis on écoute le film avec le chat. Il y a un film d'emoji qui vient de sortir. Ça s'en va vers le mieux. Hein? On n'a pas besoin de se questionner. Tout va bien. Il y a du monde qui s'en occupe. Let's go. On part le film. Salut tout le monde, ici Poilo. Hey, Dédé, vous écoutez 70% à CGMS, Douteur. Ça marche, c'est parfait. Ça le fait. Tu veux participer à l'évolution de Productions Podcast? Deviens partenaire et contacte les Productions Podcast en visitant la page Facebook Productions avec un S, Podcast, P-O-D-C-A-S-S-E, ou écris-nous à podcast@icloud.com. Fais partie de l'aventure Productions Podcast. Pour plus de détails, visite podcast.com. Je vois vraiment beaucoup de visages heureux et je me dis que la magie de Noël est encore responsable de plein de joie. Applaudissez-vous pour la magie de Noël. C'est le Noël du campeur de douteux 2017 qui débute. Et mesdames et messieurs, on a pour vous l'impère Noël encore une fois. Ah, hein, l'impère Noël va passer toute l'émission avec nous et vivre ses affaires en arrière de nous sur le stage. Si vous allez sur le stage prendre un cadeau, votre mission après, ça va être de choisir un cadeau dans la pile qu'il y a là et ensuite aller le donner à quelqu'un qui va venir ensuite s'asseoir sur l'impère Noël et tout ça va créer juste assez de malaise. On est d'accord? Merci beaucoup. Sinon, ben, bienvenue à cette nouvelle édition du meilleur show gratuit au monde du lundi. On est très content d'avoir une setlist qui justifie d'appeler ça de même en sapristi. Ça va terminer par un long métrage qu'on a découvert dernièrement qui s'appelle Grumpy Cat's Worst Christmas Ever. C'est juste un nom, hein. C'est pas vraiment le pire de tous les Noëls du Grumpy Cat. Vous allez voir, ça va finir avec juste ce je ne sais quoi de magie qui nous donne envie de revenir. Grumpy Cat's Worst Christmas Ever, ça va être juste à la fin de la soirée. Juste avant, on va avoir DJ George, un ami qui va venir nous présenter sa playlist sélectionnée spécialement avec de l'amour de Noël et de la magie. Ça va être capoté. On a aussi Fanny Grégoire qui devrait arriver et peindre bientôt. Ça devrait être une œuvre qu'on va vendre à la fin de la soirée. Sinon, on a en house band nos amis des Crackberries qui ont été décryogénisés une autre fois. Bonsoir. Ça vous va tellement bien, toutes ces affaires-là qui pendent, messieurs. C'est de qualité supérieure. Merci. Qui s'en vient. Merci. J'ai encore la larme à l'œil et je fébrile en mentionnant que l'invité à 70% de la soirée, c'est Louis-Philippe Gingras. On est très content de l'avoir avec nous. On l'applaudira tantôt parce que pour l'instant, on va applaudir notre monologuiste de début de soirée, une certaine Myrlande Big Mama de Noël, mesdames, messieurs. Merci d'être avec nous. Maurice de Noël, man, quelle insulte! Mon gars! Salut, je viens vous parler de Noël. Là, tu vas dire qu'est-ce qu'une noire vient faire ici de parler de Noël? Ben, tu sais que dans notre pays, là, on fête Noël aussi, hein? Il n'y a pas de problème, moi, je connais ça. Non, mais j'étais super déçue quand j'ai fait des recherches. Tu sais, Noël, je m'attendais à un Père Noël noir avec des beaux cheveux longs, blancs, mais je ne l'ai même pas trouvé. Non, ils ont juste un Père Noël blanc, d'autres ici. Fait que moi, j'étais un petit peu trash, là. Je sac beaucoup. Je viens de Saint-Roch-de-Lachigan, puis c'est ça. Moi, j'aime beaucoup Noël. Fait que moi, Noël, j'ai su que j'aimais ça quand mes frères sont arrivés dans ma chambre de même. J'ai fait qu'est-ce que j'ai fait, tabarnak, encore, aussi. Puis là, ils ont fait « T'es prête, la sœur! » J'ai fait, tu es prête à quoi? T'es prête vite! J'ai fait, oh, tabarnak de calice, que c'est ça? T'as vu la pente à Saint-Roch-de-Lachigan? Je sais pas si t'as déjà vu une pente de purin. Mais imagine ça, je l'ai, mon gars. Là, ils m'ont donné un couvercle de métal de poubelle, oui, comme dans oui, le sapin des boules, comme dans les films, oui. Et là, je suis descendue de même. Moi, qu'est-ce qui est particulier, c'est que je me rends toujours compte de la gaffe quand je suis rendue à l'affaire. Là, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup, beaucoup le vertige, de un. De deux, quand je crie, je suis arrangée de même. Puis il y a ça qui sort. Fait que là, je me suis rendu compte du pétrin quand mon père, mon frère a lâché le rondelle de métal de tabarnak. Puis que là, je suis parti, hostie. Hey, je pense que c'est le cas d'eux. Oh, fois mille. Je pars, puis là, je me mets à hurler. Puis là, je les ai toutes nommées Esteban Diatao, Goldorak, le Potatos. Les hosties de poulet, ils sont jamais venus me sauver, man. Les hosties de salopes. Hey, moi, hostie, je me fiais à eux autres. Le papa en tout, hostie, zéro rescousse. Hostie, je me suis pété à la gueule. Puis là, je me suis dit, tabarnouche, j'aime ça, Noël. T'as-tu déjà vu un Winnebago? Étant donné que moi, on m'a menti sur les pouces toute ma vie, j'avais un chum vraiment cave, quand mon père, il a dit « j'ai acheté un Winnebago de 32 pieds », je sais toujours pas ce que ça veut dire 32 pieds, mais c'était gros en tabarnak, mon gars. Et quand je suis arrivé, j'ai dit « y a-tu une toilette là-dedans? » Ils m'ont dit « ouais, il y a une toilette là-dedans. » J'ai fait « waouh! » Écoute, on est allé à Témiscamingue. Témiscamingue, écoute, je te le dis, le Noël des campeurs, c'était fucking malade. Moi, là, c'est-tu quoi? J'ai trippé, là. J'ai vraiment trippé quand je me suis rendu compte. Quoi? Ben ouais, pourquoi? C'est un mi. Ouais, c'était fucking malade, applaudissez aussi. Fait que là. Oh! Ça, je l'avais passé en premier. Moi, je suis plus drôle quand à la fin, tu sais. Fait que là, je te dis, moi, je me suis rendu compte là, que c'était hot quand j'ai vu toutes les guirlandes. Tu sais, les guirlandes de Noël. Il me semble que tu rajoutes n'importe quoi. Tu rajoutes un Père Noël dessus. C'est tellement trop fucking cool. Fait qu'écoute, la première parade, moi, j'ai été insultée. J'ai lâché ma slush à 10 ans. Il y avait la grosse Marie. Oui, la grosse Marie, pour une fois. Ouais, les doubles triple X. Yes, sir! Triple X! C'était tellement sexy. C'est une belle grosse Marie de 450 livres, toi, avec un beau petit Jésus tout mince, super pouilleux. Fait qu'on tapait de Témiscamingue. Puis là, à un moment donné, je te vois ça, toi, ils ont scrappé ça. Puis ils ont vu, écoute, ils ont vu pareil comme moi arriver les rois mages. J'ai dit, calice, papa, ils ont ressuscité deux fois les calices de Jésus! Jésus, il a ressuscité deux fois! Christ, c'est pas ton histoire, restit de cave! Tout le monde sait que les rois mages sont arrivés avant Jésus. Mais là, il était trop tard. Fait que j'ai eu un gros traumatisme. So, moi, ce que j'aime aussi, c'est être parent. Hein? Ouais! Mais non, c'est pas vrai, tabarnak, qu'est-ce que vous dites là? Noël, les campeurs, restent avec les enfants, c'est l'enfer, calice, ici. Ils crient, ils chiolent. Ah, si, maman! Moi, ce que j'aimais dans Noël, c'est hey, madame, je peux te raconter une chose? Vas-y, Tommy. OK! Ça fait quoi un chat dans un chapin, Tommy? C'est quatre fois que tu me le dis. OK! J'en ai une autre! Je dis, ah ouais, OK, vas-y. Hey, c'est-tu quoi? Il dit, c'est le Père Noël qui arrive. Il dit, Mère Noël, je vais disparaître ce soir. Ah ouais, tu vas disparaître. Ah ouais! Je vais t'enculer, grosse salope. Je dis, Tommy, tabarnak, on dit pas ça, des affaires de même. Là, je me suis rendu compte que 2017, c'est rush, hein? Dans les campeurs, tabarnak! Les petits, ils nous traumatisent bien raide. Moi, j'utilise la technique d'énayer, de leur faire faire plein d'activités, puis après ça, on saoule la gueule, là, c'est en gang. So, ben, c'est ça, là. J'étais venue vous parler de mon les campeurs, qui était pas super, super le fun. Mais quand j'étais jeune, j'avais du fun, mais plus là, parce que je me saoule la gueule en quantité industrielle. Sur ce, je vous laisse avec Super Tommy. Puis je vous aime super gros.